Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française présente par transmission différée le spectacle du Théâtre de l'Atelier à Paris, directeur André Barsac. Dans quelques instants, vous pourrez écouter l'invitation au château, comédie en cinq actes de Jean Anouilh, musique de scène de Francis Poulenc, mise en scène, décor et costumes d'André Barsac. La présentation a été confiée à André Rançant. André Rançant vous parle. Dans l'œuvre si importante de Jean Anouilh, qui comprend déjà 16 pièces, allant de l'Hermine, jouée en 1932, à l'Alouette, créée il y a 2 mois, l'invitation au château, dont la création remonte à 1947, peut se placer dans la série des pièces roses ou brillantes de l'auteur. Ici, délaissant les thèmes plus graves et plus profonds du voyageur sans bagages, d'Ardèle ou de la répétition, Anouilh prend une récréation. Il se délasse, se divertit et nous propose de rire avec lui. Le point de départ de l'invitation au château n'est certes pas neuf, loin de là. Mais au fait, y a-t-il des sujets nouveaux ? Depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent, ainsi que le note La Bruyère. Non, bien sûr, tout est dit et l'on vient trop tard. Ce qui ne signifie point qu'il est interdit de reprendre les anciens thèmes, à la condition toutefois, sinon de les renouveler de fond en comble, mais de leur insuffler un air du temps qui leur donne l'apparence de la nouveauté. C'est ce qu'a fait et réussi Jean Anouilh avec cette invitation au château, où il reprend à son compte le thème classique, éternel et, il faut bien l'avouer, un peu facile, des ressemblances. Dans l'invitation au château, les deux jumeaux se nomment Horace et Frédéric. Il va sans dire que les deux frères ne se ressemblent qu'au physique. Moralement, ils sont violemment opposés. L'un, Frédéric, est tendre, bon, fidèle, l'autre, Horace, est brillant, méchant, odieux. Comme il est naturel, c'est Horace qui est aimé. Aimé de Diana, la fiancée de son frère. Horace, par jeu, décide d'humilier la jeune fille en lui suscitant une rivale qui aura plus de succès qu'elle le soir du bal donné en son honneur. Il présente ainsi sous un faux nom une petite danseuse, Isabelle, uniquement engagée par Horace pour jouer cette comédie. Seulement, comme il arrive souvent en pareil cas, Isabelle a un cœur, et c'est ce cœur qui apportera dans l'affaire bien des complications. Les 5 actes de l'invitation au château se déroulent dans le même décor. Un salon, type de jardin d'hiver, dans le château, où l'on donne ce jour-là un bal en l'honneur des fiançailles de Frédéric et de Diana. La pièce étant surtout visuelle et les indications du présentateur s'avérant difficiles au cours d'une action rapide et serrée, nous signalons tout de suite que Madame Desmères Morte, tante d'Horace, est infirme. Elle ne circule en scène qu'au moyen d'un fauteuil à roulettes poussé par une lectrice, Mademoiselle Capula. Quant aux deux jumeaux, Horace et Frédéric, l'auditeur les identifiera lui-même à leur voix, celle d'Horace étant autoritaire et claironnante, celle de Frédéric timide et douce. Au lever du rideau du premier acte sont en scène Horace et Josué, le maître d'hôtel. Et cette nuit, la même chose. J'ai le regret de devoir le dire à Monsieur Horace, oui. Il a encore couché sous ses fenêtres. Oui, Monsieur Horace, depuis 5 jours que nous le voulions ou non, c'est un fait. La chambre de Monsieur Frédéric est dans le massif de Rhododendron, sur la face sud de l'aile gauche, au pied de la statue de Calliope. Le jardinier trouve chaque matin ses fleurs saccagées, la femme de chambre le lit intact. Je calme l'un et l'autre depuis 5 jours, je me dépense, je me multiplie. Mais je connais mon monde. Le torchon brûle sous le boisseau. Un jour ou l'autre, ils parleront et madame saura. Vous avez déjà été amoureux, Josué? Bon, je suis au service de madame depuis plus de 30 ans, monsieur Horace, et d'ailleurs maintenant, je suis trop vieux. Et avant? J'étais trop jeune. Moi, mon cher, j'ai juste l'âge, et j'ai souvent été amoureux. Et aussi stupidement que mon frère, jamais. Monsieur Frédéric aime comme un jeune homme. Il a pourtant le même âge que moi. Selon la loi qui veut que des deux jumeaux, l'aîné soit le second venu, monsieur Frédéric est même l'aîné. Mais la loi vaut dire, monsieur a tout de même vu le jour. Avant, monsieur Frédéric. Je suis né 10 minutes avant mon frère, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit cette légère avance qui m'ait mûri. Frédéric se conduit comme un enfant. Cette jeune demoiselle le mènera loin. Pas si loin que cela, Josué. J'ai mon plan. Si monsieur Horace a son plan, je suis tranquille. Pas un mot, mon cher. Je me suis levé tôt ce matin parce que je suis décidé à agir. Le jour qui vient nous réserve d'étranges surprises. Cette aube nous promet du nouveau. Quelle heure est-il? Midi, monsieur Horace. Nous serons fixés à 12h30. Je voulais. Monsieur Frédéric. Mademoiselle Diana est-elle descendue? Pas encore, monsieur Frédéric. Ai-je l'air fatigué, Josué? Si monsieur me permet d'être franc, oui, monsieur a l'air fatigué. Vous vous trompez, Josué. Je n'ai jamais passé une aussi bonne nuit. Je me dois d'avertir, monsieur, que le jardinier a l'intention de poser des pièges à loup dans les rhododendrons la nuit prochaine. Qu'il les pose, je m'étendrai dans les ignats. Quant à la femme de chambre qui s'occupe de l'aile gauche, elle n'a pas été sans manifester sa surprise. Elle est venue me trouver, toute désemparée. Qu'elle se calme, Josué. Vous leur recommanderez dorénavant de défaire d'abord mon lit le matin, en s'y étendant au besoin elle-même. Oh, monsieur Frédéric. Pourquoi pas, elle est charmante. Et puis de le refaire quand il sera défait, ainsi tout sera dans l'ordre. Bien, monsieur Frédéric. Diana, quelle joie de vous revoir. Hier est si loin. Est-ce vous? Diana, comment pouvez-vous me demander? Ah non, vous avez repris vos yeux de petit chien perdu. C'est bien vous. Vous aviez l'air si triomphant que j'ai cru un moment que c'était votre frère. Si vous me préférez, Yora, je mourrai. Cher Frédéric, croyez bien que ça ne pourrait arriver que par inadvertance. Vous vous ressemblez tellement. Nos cœurs ne se ressemblent pas. Non, c'est vrai. Mais supposez que je sois seule dans le parc un soir. Les branches craquent derrière moi, c'est votre pas. Des bras m'enveloppent, ce sont vos bras. Des lèvres me pressent, ce sont vos lèvres. Vous comprenez qu'il me reste vraiment trop peu de temps pour savoir si le cœur correspond bien à cet ensemble. Mais Diana, je ne vous ai jamais embrassé ainsi dans le parc. Vous en êtes bien sûr, Frédéric? Diana, mon frère profite odieusement de notre ressemblance. Il me trahit. Il faut que je le trouve, il faut que je lui parle. Cher Frédéric, cher bouillant petit Frédéric, c'était seulement une supposition. Personne ne m'a jamais embrassé ainsi dans le parc. Pouvez-vous me le jurer? Certainement, Frédéric. Je puis étendre la main, cracher sur les tapis de madame votre tante. Si vous connaissez d'autres signes pour dénoncer la vérité, dites-les-moi. Pardon, Diana, je vous crois, bien entendu. Le petit chien dont vous avez les yeux est tout à fait perdu cette fois. Il ne retrouvera jamais son chemin. Si mon frère vous aimait, je me tuerais. Oh, Frédéric, ce serait terrible. On ne pourrait jamais savoir vraiment lequel de vous deux serait mort. Tout de même, ce serait bien commode pour votre frère. Il n'aurait qu'à aller à l'enterrement, bien triste, et puis après me dire doucement à l'oreille, « Chut, ne le répétez pas, c'est moi. Tout le monde se trompe. C'est Horace qui s'est tué. » Qu'est-ce que vous voudriez que je réponde? Diana, vous ne pourriez pas vous tromper une minute. Si moralement je ressemblais aussi à Horace, mais je serais Horace. C'est vrai. C'est Horace que vous aimez, Diana. Adieu. Êtes-vous fou? Je le déteste. Embrassez-moi. Diana. Embrassez-moi, cher petit chien perdu. Que je vous montre votre route. Je vous aime, Diana. Mais moi aussi je vous aime, Frédéric. Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, que vous n'êtes pas Horace? Je le crois capable de tout. De tout, de tout, de tout. Je le crois capable de tout. Mais mon cher, comment pourrait-il soupçonner quelque chose? Nous avons pris tellement de précautions. C'est un garçon qui joue un double jeu. Hier, il a ricané. Ça, je l'ai entendu nettement. Il a ricané sur mon passage. Pourquoi aurait-il senti le besoin de ricaner sur mon passage, si ce n'est qu'il est au courant de tout? Quand croyez-vous avoir entendu ce ricanement? Hier soir, sur la terrasse après le dîner. Hier soir, nous étions ensemble. Il s'était étranglé avec la fumée de son cigare. Il ne ricanait pas. Il toussait. Il toussait pour nous dissimuler qu'il ricanait, ma chère. C'est une toux dont je n'ai pas été dupe un seul instant. D'ailleurs, pourquoi ce jeune homme qui ne met rien pourrait-il se permettre de ricaner en apprenant notre liaison, Patrick? C'est un garçon dont je vous conseille de vous méfier. D'abord, cette façon de tellement ressembler à son frère. Il n'y peut rien. Un véritable gentleman n'aurait jamais permis d'équivoque. Lui, il en joue. Il copie les costumes de son frère. Mais non, c'est Frédéric qui copie les siens. C'est la même chose. Chez moi, ma chère, nous étions 9 frères. Dieu, ils vous ressemblaient tous? Aucunement. Ce que vous ne ferez jamais croire, c'est que ce garçon soit capable de parler à Romuald. De parler, non, mais de risquer des à peu près, des brumées, des anecdotes, lorsque nous sommes tous au salon, de sourire, on ne sait pourquoi à table, de ricaner, comme hier soir, sur les terrasses, en faisant semblant de s'étrangler dans la fumée de ses cigares. Oui, je l'en crois parfaitement capable. S'il sentait assez signe, ce pauvre Messerschmann, lui, est bien incapable d'en pénétrer jamais le sens. C'est un venin. C'est un tigre! Et vous ne devez pas oublier que si vous êtes sa maîtresse, moi, je suis son secrétaire intime. Nous dépendons tous les deux étroitement de ce magnat. Cher, bien cher, vous employez des mots. Magnat? Non. Secrétaire intime? Non. Patrice, cher, je suis votre maîtresse. Et si je permets, c'est vrai, à Romuald de s'occuper de régler mes factures et de venir me baiser la main chaque soir. Vous ne devez pas oublier qu'il ne m'est rien. Et que vous mettez tout. Dorothée, dans ce jardin d'hiver. Nous sommes en été. Mais ça n'est pas pour l'hiver, c'est pour les vitres. On nous voit de partout. Damien, je suis folle. J'adore le danger, j'adore tout ce qui est fou. Vous ai-je raconté ce soir à Monte-Carlo où j'étais dans un petit bistrot louche du port, toute nue sous ma cape, avec mes diamants seuls, au milieu de ces brutes avinées. À Monte-Carlo? Oui, c'était un petit tabac, où les croupiers du baccarat venaient voir clandestinement des bocs entre deux parties. Je voyais les larges mains de ces hommes frémir. Oh, qu'ils viennent, qu'ils nous surprennent, qu'ils nous massacrent. Il verra comme je le cravacherai de mon mépris. Ce sera magnifique. Oui. D'ailleurs, c'est un mouton que petit. Tout au monde dans les sulfates. Et pas contre un coup, hélas. Cher, l'amour est toujours le plus fort. Oui, Dorothée. Et puis, vous ne devez pas oublier, Patrice, que vous êtes un homme du meilleur monde, que je suis Lady India, et que c'est nous qui sommes bien bons, en fin de compte, de nous occuper un peu de ce ramassant d'argent. Tant d'argent, Horace? Plus encore, madame. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il mange des nouilles à tous les repas, sans beurre et sans sel. Il boit de l'eau. C'est admirable. Et Dorothée l'enruine. Elle essaie, c'est impossible. Vous êtes d'une mauvaise langue, Horace. Vous oubliez que je suis votre tante et la tante de Dorothée, et une femme d'un certain âge. Mademoiselle Capula, allez donc chercher mon mouchoir. Tout bon, tu crois qu'il l'entretient? Carrément. Mais c'est monstrueux, c'est humiliant, Horace. Sur ce pied-là, c'est peut-être monstrueux, mais cela cesse d'être humiliant, ma tante. Une grand champ. Et par moi, une démère morte. Si Antoine était encore de ce monde, il en mourrait. Horace, les gens sont si méchants. N'est-il pas scandaleux pour le monde que j'ai invité ce nabab en même temps que Dorothée? On va dire que je tiens la chandelle. Oh. Ah, moi, en tout cas, je le dirai. N'oubliez pas que vous avez invité Romuald Messerschmann et sa fille à la demande de Frédéric, ma tante. Frédéric se fiance demain à Diana. C'est juste. Un autre gogo, ton frère. Allez se toquer de cette fille au point de lui demander sa main. Quand il était petit, il avait toujours l'air si triste, si résigné, en venant me tendre son front au jour de l'an. Je l'appelais Iphigénie. Me vois-tu livrer un beau matin en jaquette de mariage à cette demoiselle Diana Messerschmann et à ses millions? Non, ma tante. Avec toi, au moins. Le sacrifice aurait eu du piquant. J'aime bien quand c'est le mouton qui risque de dévorer le grand prêtre. Avec lui, ce ne sera même pas drôle. Il sera affreusement mouton, comme ton père. Si ce mariage se fait, ma tante, et qui pourrait le faire rater maintenant? Peut-on savoir? Oh. Voici votre mouchoir, madame. Merci, ma toute bonne. Poussez-moi donc vers le soleil. Ah, bonjour, mon bon Romainville. Bonjour, monsieur Messerschmann. Avez-vous passé une bonne nuit? Je ne dors jamais, madame. Moi non plus. Il faudra que nous donnions rendez-vous. Nous bavarderons pendant qu'ils dormiront et nous dirons du mal de tous. Ça tuera le temps. Il est dur à tuer, l'animal. Je suis très méchante, monsieur Messerschmann. Et vous? On dit que je le suis aussi, madame. Quel bonheur. Nous dirons des méchancetés. Ça sera très amusant. Poussez, voyons, poussez, ma toute bonne. Je vous ai dit que je voulais aller au soleil. Monsieur Messerschmann, mon maître d'hôtel m'a dit que vous ne mangiez que des nouilles. C'est exact, madame. Sans beurre et sans sel. Il paraît aussi que vous êtes un bon ami de Dorothée. Lady India m'honore de son amitié. Dorothée, des insomnies et des nouilles à tous les repas. Et j'ai lu hier dans un magazine que vous étiez un des heureux de la terre. Elle sera là au train de 12h30. Non, je vous affirme que si. Oh, quelle imprudence, je suis malade. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas fou? Sûr. Et vous? Moi, je ne suis pas sûr. Et si je refusais de céder à ce chantage? C'est le scandale, Romainville. Mais quel scandale, sacrebleu! Mes relations avec cette jeune fille sont irréprochables. Si je dis à ma tante, Romainville pourrait gagner un peu votre invitation ce printemps, a fait venir sa petite amie à l'auberge de Saint-Flour où il va la voir 3 fois par semaine en cachette. Que répondrez-vous? Que c'est faux que je m'intéresse à cette jeune fille comme je m'intéresse à tous les arts. Est-ce ma faute si je suis une sorte de mécène? Non. Cette petite avait besoin de prendre l'air avant de recommencer son travail à l'opéra. Elle était palote. Comprenez-moi, Horace, elle était extrêmement palote. N'importe qui aurait agi comme moi, c'est une question de bon cœur. Je lui ai dit, venez donc passer quelques jours en Auvergne avec votre mère. Qui pourrait me reprocher, sacrebleu, de vouloir faire prendre l'air à une jeune fille pauvre qui en a besoin? Madame votre tante, qui me tape tous les ans pour ses comités charitables. À une jeune fille pauvre qui a besoin de prendre l'air, personne. Mais à votre maîtresse, Romainville. Vous connaissez ma tante. Mais cette jeune fille n'est pas ma maîtresse, sacrebleu. Je vous assure qu'elle ne l'est pas du tout. Qui vous croit? Tout le monde, puisque c'est la vérité. Quelle importance cela peut-il avoir que ce soit la vérité, mon bon Romainville, puisque cela n'en a pas l'air? Alors, selon vous, la vérité, ce n'est rien. Rien, mon cher, sans les apparences. Allons tranquillement déjeuner. Elles seront là d'un moment à l'autre. Je suis prévenu, il me fera signe. Je viendrai leur dire 2 mots. Et au café, il annoncera officiellement à ma tante que votre nièce vient d'arriver. Et si ma véritable nièce arrive par le même train? Je lui ai déjà télégraphié pour vous que l'invitation de ma tante était momentanément décommandée. C'est un traquenard! Et tout cela parce que vous m'avez surpris devant une innocente orangeade avec cette petite chez le pâtissier de Saint-Flour. Exactement. Vous êtes le diable. À peu près. Mais quel dessin poursuivez-vous? Un vaste et sombre dessin. C'est le deuxième coup. Passons à table, mon cher. En ma vie, vous ne tarderez pas à le savoir. Si ces dames veulent bien se donner la peine de s'asseoir, je vais prévenir Monsieur Horace de leur venue. Quel raffinement, quelle somptuosité! Voilà une atmosphère, mon enfant, dans laquelle je me sens véritablement redevenir moi-même. Oui, maman. Il y a des êtres qui ne peuvent respirer que dans le luxe. Si on leur enlève le luxe, ils s'étirent. Oui, maman. Tu ne dois pas oublier, Isabelle, que ton grand-père était le premier négociant en papier peint de la ville. Nous avons eu jusqu'à 2 domestiques en même temps, sans compter les ouvrières, bien entendu. Et rappelle-toi qu'à ton âge, ta grand-mère ne m'aurait jamais permis de sortir seule. J'étais suivie à 3 pas par ma bonne. À 3 pas, c'était magnifique. Oui, maman. As-tu vu ce maître d'hôtel, cette noblesse, cette voix feutrée, à la fois extrêmement polie et légèrement méprisante? Cette attitude, si ces dames veulent se donner la peine de s'asseoir, je vais prévenir Monsieur Horace de leur venue. De leur venue, le choix des termes. Ah, mon enfant, je rêve pour toi d'un maître d'hôtel semblable. Oh, moi, tu sais, maman. Si, je rêve pour toi de tout ce que la vie ne m'a pas donné. Je ne dis rien, tu sais, mais parfois, je souffre. Tu crois que cela ne me fend pas le cœur quand je vois tes petits doigts se rougir chaque jour à notre vaisselle? Je t'en prie, maman. Oui, je sais, tu es moins sensible que moi. Je sais aussi que je ne t'aide pas autant que je le devrais, bien sûr, dans tous ces petits travaux. C'est que c'est véritablement au-dessus de mes forces. Et puis j'ai une impossibilité matérielle, mon piano. Je dois mes mains à mon art. Et puis j'ai pas été élevée comme toi, moi. J'ai été élevée dans tous les raffinements du confort. Tu as toujours connu la gêne, ma pauvre petite, tu peux pas savoir. Toi, tu retrousses tes manches, tu chantes quelque chose. Et hop, on a un clin d'œil, c'est fait, tu n'y penses plus. Il faut bien, maman. Je t'admire. Moi, avec mon passé, avec tous mes rêves perdus, j'en serais absolument incapable. Ah, Isabelle, je rêve pour toi d'un autre avenir. D'un avenir de luxe et de beauté, où ta maman aurait une petite place. Tu es artiste, tu es jolie, moins fine que moi peut-être. Ça, c'est ton père. Moins classique en somme, mais piquante. Tu dois plaire, tu dois sûrement plaire, mon enfant. Que peut bien te vouloir ce jeune homme? Vous êtes exact, je vous remercie. Cher monsieur, je considère l'exactitude comme la première vertu, est-ce pas? Non, madame. Et voici mademoiselle Isabelle. Je ne m'étais pas trompé. C'est une charmante enfant. Mieux que charmante, madame. Monsieur Romainville a dû vous parler d'elle. Mais il m'en a beaucoup parlé, en effet. C'est un de nos bons amis parisiens. Oui, je sais. Est-ce que cette aventure vous amuse, au moins, mademoiselle? C'est la première condition. Elle est folle de joie. Monsieur Romainville nous a seulement dit que vous nous invitiez pour ce soir au château. Pas autre chose? Non, monsieur. Le bon ami a sans doute voulu réserver toute la surprise à la petite. Et qu'avez-vous pensé qu'on pourrait bien vous demander ce soir dans ce château? Je ne sais pas. De danser sans doute. Je suis danseuse. Pas seulement de danser. Pas seulement de danser? Mais savez-vous, cher monsieur, que vous commencez à m'intriguer follement? On donne ici ce soir un bal. J'ai besoin que vous y assistiez, que vous y soyez très belle. Plus belle que toutes les autres. Moi? Oui. Vous avez peur? Un peu. Je ne suis pas très belle, et puis... J'ai téléphoné ce matin à Paris. Rosé Dasseur m'envoie un choix de robe et ses meilleures essayeuses. Au premier coup d'archer des violons, vous serez prête. Et que faudra-t-il que je fasse? Rien que briller ici toute la nuit, comme un petit papillon éphémère. À l'aube, on vous délivrera. Bien entendu, madame, ce sera un cachet comme un autre, et la robe lui restera. Oh, mais nous n'avons pas pensé une minute! Moi, si, je l'ai pensé. Maintenant, il faut que je retourne à table où mon absence est remarquée. Je regrette de ne pouvoir assouvir votre curiosité tout de suite. Voilà Josué qui va vous montrer vos chambres. On vous y servira ce premier pas. Je vous demande de n'en pas bouger. Personne ne doit encore connaître votre présence au château. Dès que cela me sera possible, je monterai vous dire ce que j'attends de vous. Si ces dames veulent avoir l'obligeance de me suivre... Oui, mon ami! Oh, quel garçon distingué! Quel véritable gentilhomme! As-tu vu, ma chère, comme il m'a baisé la main? Eh bien, ma petite, tu rêves! Non, maman. C'est celui-là qui s'appelle Horace. C'est celui-là qui a voulu que nous venions au château. Oui, ma chère, il est beau, n'est-ce pas? Allons, avance, le maître d'hôtel nous attend. Où es-tu, ma chère? Dans la lune? Oui, maman. Vous venez d'entendre le premier acte de l'invitation au château de Jean Anouilh. Et voici immédiatement le deuxième acte de cette pièce. Au lever du rideau, sont en scène Horace et Isabelle. Avancez de quelques pas. Tournez. Retournez-vous. Vous êtes parfaite. Vous tremblez? J'ai peur. De quoi, mon Dieu? D'un bal? De la nuit qui vient? Des violons qui s'accordent? De ce château plein de gens inconnus qui s'habillent pour cette fête? De ce mystère? De tout. De moi aussi? Surtout de vous. Vous croyez que je vais vous entraîner dans une histoire épouvantable? Romainville vous a dit beaucoup de mal de moi. Oui, monsieur. Et naturellement, vous l'avez cru. Non. Vous avez eu tort, mademoiselle. Et quand vous saurez ce que j'ai machiné ce soir, vous penserez que je suis peut-être encore plus méchant que l'imaginera ma vie. Seulement, il ne faut pas avoir peur des gens méchants. Ce sont de pauvres diables comme les autres. Les imbéciles seuls sont vraiment redoutables. Ah, mon cher, nous parlions de vous. Comment vous sentez-vous ce soir? De plus en plus mal. Cette fête qui me réjouissait est devenue un supplice pour moi. Je ne peux pas concevoir ce qui a pu vous pousser à vouloir cette présentation ridicule. Romainville a peur que vous vous trompiez de fourchette et quand vous voyez attaquer le foie gras avec le couvert à poisson, toute la table se lève en s'écriant « Imposture, ce ne peut pas être sa vraie nièce !» Faites quelques pas, ma chère. Tournez. Regardez-la, Romainville. N'êtes-vous pas flatté d'avoir une nièce pareille? Entre nous, comment est votre vraie nièce, mon cher? Il me semble l'avoir rencontrée chez les Berquins. Mon Dieu, c'est une jeune personne un peu disgraciée. Elle a le nez assez fort. Mais elle est pleine des plus belles qualités morales. Alors vous la présenterez à ma tante un matin à son ouvroir et elle y fera merveille. Mais pour un bal, Romainville, il vous fallait une nièce de bal. Regardez cette jeune fille dans ce tulle. Vous ne pouviez rien imaginer de plus transparent, de plus éphémère, de plus gracieux, de plus fait pour un bal. Un unique bal de printemps. Tenez-vous droite. Ne donnez pas leur titre aux gens à qui on vous présentera. Attendez que les personnes d'un certain âge vous interrogent. Et vous divaguez, mon cher. Mademoiselle savait tout cela en naissant. Ma tante, qui a le sens de la qualité, ne s'y est pas trompée une minute. Elle lui a donné une chambre sur le jardin. Ce sont les plus agréables. Si elle lui avait moins plu, je suis sûr qu'elle l'aurait mise sur le parc. Mais moi, je suis sur le parc. Vous voyez bien. On peut entrer. On peut entrer. Je ne peux plus tenir. Il faut que je voie la robe. Il était convenu que vous resteriez dans votre chambre, madame. Il ne faut pas risquer qu'on vous rencontre. Non, je me suis glissée comme une ombre. Je me perds de curiosité. Quelle charme, quelle élégance. Tiens-toi droite. Quel bon goût. Je suis sûre que si monsieur monsieur Horace qui l'a choisi. Non, madame, c'est votre fille. Ah non, je ne veux pas croire que vous n'y êtes pour rien. Ou alors c'est que la petite a deviné beaucoup et qu'elle l'a choisi pour vous plaire. Maman. Tourne-toi. Encore. Tiens, très droit. Cet enfant, cher monsieur, me surprend chaque fois moi-même. Habillée, on dirait qu'elle est maigre. Déshabillée, elle est presque dodue. Raspoutini, son maître à l'opéra, dit que tout simplement c'est parce qu'elle est bien faite le fait est. Ça n'est pas parce que je suis sa mère. Elle a des jambes admirables. Le cher ami qui l'a vu tant de fois en tutu vous le dira. Au moment je la trouve très poilote, alors nous lui donnons des fortifiants, n'est-ce pas, les fortifiants. Poilote. Regardez-la, me disant, elle est rose comme une fleur. Oh, le grand air de la campagne lui a déjà fait du bien. Oh, la campagne, la joie saine. Oh, parlons-en, elle meurt d'ennui à la campagne. Elle est comme moi, nous sommes deux petits fleurs, deux serres, deux parisiennes, deux artistes. Nous ne poussons pas en plein champ. Seulement, le cher ami a tant d'insister. Ah, la santé avant tout, la santé avant tout. Vous êtes un vilain despote. Cher monsieur, il est d'une exigence avec ses amis, il ne peut pas supporter qu'on le quitte. Quand il a été invité ici, il a fallu que la petite vienne. Bon, je la trouvais pas lette, alors je me suis dit ma foi. Mais oui, on vous pardonne parce qu'on sait bien que c'est par amitié. C'est comme lorsque vous avez voulu qu'elle fasse de la natation. Mais ça, tout le monde devrait savoir nager. Il allait lui-même à la piscine pour la voir. Un jour, il a failli tomber à l'eau tout habillé. Mais c'est ce qui prouve que tout le monde devrait savoir nager. Mais nous bavardons, et Horace a des instructions à donner à Isabelle. Je suis sûr que vous seriez curieuse de voir l'arrivée des voitures, cher ami, si vous veniez dans ma chambre. On voit tout. Elle est au nord. Mais on voit tout. C'est ça, nous les laissons. Ce n'est pas que je me brûle aussi de connaître le mystère, mais la petite me racontera demain. Allez, je vais me cacher comme un vilain gros papillon de nuit qui n'a pas droit en lumière de la fête. C'est ça, comme un vilain gros papillon de nuit. Venez, j'entends les premières vertus. Et on vous montrera à souper. C'est ça. Une croûte et un verre d'eau, allez, pour la pauvre Cendrillon. Amuse-toi bien, petite chanceuse. Moi aussi, j'ai eu 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps de cela, elle est charmante. Et toute rouge. J'ai honte. Il ne faut pas. C'est facile à dire. Mes joues brûlent. Mes yeux piquent. J'ai une grosse boule de mie-pain dans la gorge. Et envie d'être morte. Moi, je la trouve très amusante, votre maman. Moi aussi, peut-être qu'elle m'amuserait, mais... Elle... C'est une artiste. Elle donne des leçons de piano. Ah. Si vous aviez déjà écouté ce qu'on appelle une dame bien et essayé de faire valoir sa fille dans une vente de charité, vous ne vous indigneriez plus. Madame, votre mère est la discrétion même. Je ne suis pas maigre, je ne suis pas dodue non plus, je n'ai pas de jambes admirables, je fais partie. Avant mon bal, c'est impossible. J'ai honte. Entre nous, ma chère, pourquoi? Parce que cette fête, ce mystère, ont un peu excité l'imagination de votre maman. Parce qu'elle s'est figurée que j'étais amoureux de vous et qu'elle essaie de vous jeter à ma tête. C'est bien naturel, j'ai un beau nom, je suis très riche. Vous pensez que depuis que je suis bon à marier, c'est un air que j'ai entendu. Ainsi, si c'est pour moi que vous avez honte, ne soyez plus rouge, je vous prie. C'est un air qu'on m'a trop chanté. Je ne l'entends plus. Moi, je l'entends encore. C'est vrai. Je parle un peu légèrement de ces choses. Ça doit être assez désagréable pour vous, en effet. Excusez-moi. Qu'avez-vous pensé pour Romainville ? Je n'ai rien à penser au sujet de Romainville, mademoiselle. Romainville est un homme charmant, plein de délicatesse et d'égard, j'en suis sûr. Je vous ai rencontré avec lui dans une pâtisserie de Saint-Flour, je vous ai trouvé ravissante, et j'ai imaginé que vous pourriez m'être utile ici ce soir, c'est tout. Je voudrais que vous sachiez au moins... Je ne veux rien savoir de plus, mademoiselle. Alors, si vous ne voulez rien savoir, c'est différent. Croyez-vous que je suis idiote ? J'ai pleuré, mon rimel coule, il faut que je recommence tout. Vous m'excuserez un instant. Je vous en prie. Josué. Monsieur Horace. Personne ne se doute de rien. Personne, monsieur Horace. Les essayeuses de la maison de couture sont reparties sans avoir été vues. Le bottier non plus. D'ailleurs, avec le monde que nous avions au château pour les derniers préparatifs du bal... Vous surveillerez la maman. Oui, monsieur Horace. Je demande pardon à monsieur, mais il m'a échappé tout à l'heure. J'ai aussi la responsabilité de la fête de ce soir. Je sais, Josué, que vous ferez votre possible. D'ailleurs, tant qu'elle se contentera de faire la navette entre sa chambre et ce salon, cette aile est encore déserte, c'est sans danger. Mais quand le bal sera commencé, je crains des excentricités de sa part. Alors, cric, crac. Oui, monsieur Horace. Et si la dame se mettait à hurler? Il faut tout prévoir, monsieur Horace. Vous lui direz que c'est moi qui exigeais qu'on l'enferme et vous lui promettrez 200 francs de plus. Je demande pardon, monsieur. Monsieur croit que ce sera assez pour calmer cette dame? Mais certainement, mon vieux. Eh bien, ce petit malheur... Il est réparé. Comme c'est commode de pouvoir sortir une minute, refaire son sourire, son œil, et venir reprendre la conversation au point où on l'avait laissé. Nous manquons beaucoup de ces petits bâtons, nous autres. Il est bientôt 10 heures, mademoiselle. Votre maquillage est au point, votre robe vous va ravir. Les premières voitures glissent déjà sur le sable devant le perron, les violons frottent leur archet de colophane. Il va être temps que je vous parle. Enfin ! J'ai voulu vous connaître un peu mieux avant de le faire. Oui, à une sorte, je voudrais raconter une autre histoire, quelques merveilles de magazine avec de l'attendrissement, du pittoresque, de la romance. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'avais préparé mon petit laïus quand je vous avais demandé de venir hier soir. Mais on va toujours au conventionnel, c'est plus facile. Or, il se trouve, une fois sur 1000, que le conventionnel se dérobe et on reste tout bête avec son intelligence à son bras comme un parapluie dont on ne pensait pas avoir besoin. Tant pis pour moi, je vais être obligé d'improviser. Je vous demande pardon. Pas du tout. C'est moi qui manquais de psychologie. J'aurais dû vous juger au premier coup d'œil. Vous n'êtes pas sotte, vous êtes naïve. Vous n'êtes pas romanesque, vous êtes tendre. Vous n'êtes pas dure, vous êtes exigeante. Tout est presque pareil, et c'est le contraire. Cela m'apprendra à mal regarder des jeunes filles à la terrasse des pâtisseries. J'avais tout prévu, sauf que vous m'écouteriez avec ce petit œil lucide. Si vous dérange, je peux le fermer. N'en faites rien, il va nous faire gagner beaucoup de temps. Grâce à lui, je vais pouvoir passer les préambules et aller droit au fait. Voilà, mademoiselle, j'ai un frère. Un frère que j'aime beaucoup et qui est amoureux en mourir d'une jeune fille très belle et très riche, en l'honneur de laquelle le bal de ce soir est donné. Et elle, elle ne l'aime pas ? Elle lui est officiellement fiancée. Elle lui donne ses lèvres 2 ou 3 fois par jour, suivant les règles d'une stratégie amoureuse qui m'échappe. Je suppose qu'elle lui abandonne aussi de temps en temps en pensant à autre chose, un coin ou un autre de sa jolie peau un peu froide. Elle lui fait toutes les petites scènes qu'il faut faire, elle lui dit même qu'elle l'aime, mais elle ne l'aime pas, non. Elle en aime un autre ? En vérité, mademoiselle, je la crois bien incapable de jamais aimer. Seulement comme c'est une petite personne, multimillionnaire et trop gâtée, attentive au moindre souffle de ses désirs, elle s'est figurée, oui, qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Et ce quelqu'un ? Vous l'avez deviné, c'est moi. Vous me direz que c'est une folle, que mon frère vaut 1000 fois mieux que moi. Comment est-il ? Diable, c'est vrai. Vous voyez comme ces récits arrêtés d'avance sont toujours bêtes. J'allais oublier de vous dire l'essentiel. Nous sommes jumeaux, mademoiselle. Vous vous ressemblez ? Ah, au physique, comme il n'est pas permis honnêtement se ressembler. Cette plaisanterie de mauvais goût qui dure depuis trop longtemps a donné lieu à tous les quiproquos possibles et imaginables. Elle était vantée, vidée à sa menthe. Voilà 100 ans que le coup des jumeaux ne fait plus rire personne. Et singulièrement plus nos amis. Mais moralement, vous voyez que nous sommes en plein dans la plus mauvaise convention théâtrale. Moralement, nous sommes le jour et la nuit. Mon frère est bon, tendre, sensible, intelligent, et je suis une brute. Mais c'est tout de même moi qui suis aimée. Et vous ? Moi ? Vous l'aimez aussi, cette jeune fille ? Je n'aime personne, mademoiselle. C'est ce qui va me permettre d'organiser en toute sérénité d'esprit la petite comédie de ce soir. Car j'ai résolu que ce serait moi, ce soir, qui organiserai la comédie. Oui, décidément, nous nous laissons trop faire, ma chère. Le destin dispose, nous brasse, nous fait glisser sur une pure d'orange, ou sans plus de raison nous gratifie d'un billet gagnant à la loterie, d'un ami sincère, ou d'une femme aimable entre 2 crampes, et nous sommes là à recevoir ces pourboires avec des courbettes, en bafouillant éternellement, trop heureux, merci, trop heureux, que votre volonté soit faite. Nous sommes trop négligents. Je compense là en politique. Il faut se laisser gouverner comme on se laisse couper les cheveux, par d'autres, tant bien que mal. Attacher trop d'importance à l'argent qu'on vous prend ou aux gestes qu'on fait exiger de vous dans les rues par des gendarmes, c'est l'attitude la plus futile, la plus inconsidérée qui soit. Mais permettre au destin de vous conduire, lui tolérer des maladies, des passions ridicules, des catastrophes, des familiarités, ça c'est grave, mademoiselle, c'est impardonnable. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Je me suis perdue au moment des gendarmes, monsieur. Je m'explique. Je trouve l'homme trop modeste. Oui, il se laisse mener alors que c'est presque toujours à lui de décider et qu'il est pratiquement indomptable. L'amour, la maladie, la bêtise, il a trouvé commode d'appeler tout fatalité. Moi, je ne connais que la mort, ma chère. La mort est franche, la mort est nette. C'est une imbécile, mais je lui tire mon chapeau. Elle sait ce qu'elle veut. Mais pour le reste, je réponds, je ne veux pas le savoir, comme mon adjudant pendant la guerre. Je ne veux pas le savoir. Ça, c'était un homme. Vous ne me suivez plus du tout. C'est-à-dire, je vous perds, je vous rattrape, puis je vous repère. J'espère que vous m'attendrez au tournant. Nous y sommes, ne nous quittons plus. Mon frère est malheureux, mademoiselle, et il va être bafoué. Mais il aime probablement cette Diana Messerschmann et son bonheur Peut-on savoir ce que c'est que le bonheur? C'est peut-être d'être malheureux pareil. D'autre part, il est sans doute dans l'ordre normal des choses que cette jeune fille à qui le ciel a dispensé tous les dons outre les millions de son père triomphe tranquillement au bal de ce soir. Seulement voilà, je ne sais pas ce que j'ai du mal à m'éveiller ce matin. Je ne me sens pas d'humeur à supporter l'ordre normal des choses aujourd'hui. Alors tant pis pour la fatalité, moi aussi je suis aveugle, moi aussi j'ai des caprices, moi aussi je suis tout puissant. Je réponds, je ne veux pas le savoir, comme mon adjudant. Je prends tout sur moi et je brouille les cartes. Et ce qui va se passer ici ce soir, je puis vous assurer que ce n'était pas du tout écrit. Voilà ce que j'attends de vous. Oui, mon capitaine. D'abord, m'obéir en tout, me regarder toujours au cours de cette fête. Je ne vais pouvoir vous donner que les grandes lignes, le détail devra s'improviser plus tard pendant le bal. N'ayez pas peur, vous ne serez jamais seul. J'apparaîtrai sous une tenture, comme dans les mélos. Je serai derrière l'ottomane où vous vous asseyez avec votre cavalier. Sous la nappe du buffet, dans l'ombre du jardin. Je serai partout, vous surveillant toujours, vous dictant vos consignes. Le problème est simple, il faut d'abord faire en sorte, ce soir, que tout le bal ne s'occupe que de vous. Vous vous faites beaucoup d'illusions sur moi, monsieur. Je ne saurai jamais. Moi, je saurai. Ne vous occupez de rien, soyez vous-même. Répondez ce qui vous passe par la tête, si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez envie d'être seul, laissez tout le monde soudain. Je me charge d'expliquer tout, de rendre tout aimable, extravagant, surnaturel. Je vais pendant toute la soirée faire semblant d'être amoureux de vous. C'est vrai. Et vous allez pendant toute la soirée faire semblant d'être amoureuse de mon frère. Mais si votre frère aime cette jeune fille, il ne me regardera même pas. Peut-être bien, il est si bête. Mais même s'il ne regarde que Diana, il ne pourra pas ne pas lire dans les yeux de Diana, au coin de la bouche de Diana, dans tout ce qu'il aime de Diana, que vous êtes ravissante. Je la connais, elle est affreusement jalouse. En constatant votre triomphe, elle va se mettre à faire dire, devenir laide en un instant. Votre frère ne l'en aimera que plus. Vous croyez? Comment se fait de jolies idées de l'amour à l'opéra? Soyez tranquille, j'ai bâti tout un scénario. C'est vous que mon frère aimera. Il ne s'agit que de le tirer d'un songe. Il va, il suit cette jeune fille qui est le contraire de ce qu'il veut aimer. Il croit qu'il l'aime, il dort et il souffre en dormant. Nous allons le faire dégringoler de la gouttière. Et s'il en meurt? Mademoiselle, on ne meurt pas d'amour. Ah, vous êtes là, je vous cherchais, catastrophe. Comment catastrophe? Mon cher, tous vos projets sont à l'eau, Dieu merci. Qu'est-ce que vous racontez? Comme je ramenais votre mère au bercail, me fiant à l'obscurité des corridors, crac, à un tournant, nous tombons sur la Capula. C'est la lectrice de Satan. Eh bien, vous êtes passé. Moi, je suis passé, mais savez-vous ce qu'elles ont fait, ces deux folles? Elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre en pleurant. Il paraît qu'elles ont fait du piano ensemble au conservatoire de Maubeuge. Il y a 20 ans qu'elles se croyaient mortes, pas du tout, elles vivent. Je n'ai même pas pu intervenir, elles se serraient convulsivement les bras, elles se racontaient leur vie. Dieu merci, elles parlaient toutes les deux en même temps, elles ne vont pas se comprendre tout de suite. Quoi qu'il en soit, il ne nous reste qu'une issue, la fuite. Montez-vous, les amis. Je dirais que vous avez eu un malaise, que nous avons reçu un télégramme, que votre grand-mère était dans le coma et que je n'ai pas voulu troubler la fête. Enfin, je dirais quelque chose. Moi aussi, j'ai de l'imagination. Nous n'avons plus de minute à perdre. Montez-vous, les amis. Ne montez pas, je vous le défends. Coucou. Vous savez la bonne surprise. Oui, qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? Oh, mon enfant, comme l'amitié est une douce chose. Déjà assez parlé de Géraldine Capula, je la croyais morte, elle vit, la chère âme. Ce que je lui ai dit, cher monsieur, mais tout, mon mariage malheureux, ma carrière artistique brisée, enfin tous mes espoirs déçus. Ah, mes amis, vous ne savez pas ce que Géraldine a été pour moi. Toutes deux blondes, toutes deux follement romanesques, on nous prenait pour les deux sœurs. Mais comment lui avez-vous expliqué votre présence au château? Mais le plus simplement du monde, me croyez-vous donc capable d'être prise de court, cher monsieur? Je lui ai dit que je faisais partie de l'orchestre. Seulement, elle ne m'a pas cru. Je jouais de malheur. Il paraît que ce sont des nègres. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai la plus entière confiance en Géraldine. Je lui ai fait jurer sur notre ancienne amitié de garder à jamais le secret. Et je lui ai tout dit. Tout? Tout! Montez-vous déshabiller tout de suite! Mais enfin quoi, tout? Vous ne savez rien! Non, mais vous savez, comme je suis romanesque, une grande enfant, je suis incorrigible. J'ai brodé tout un conte bleu. Un conte bleu? Quel conte bleu? Un vrai conte, couleur d'azur. Oh, je sens que vous allez me gronder. Mais à la fin, qu'avez-vous pu dire? Rien, des mots, des rêves. J'ai dit que vous étiez amoureux de la petite et que vous l'aviez fait passer pour la nièce de Romainville afin de l'introduire au château. Qui t'a permis, maman? Malheureuse! Mon cher Horace, alors qu'il est votre tante, c'est tout. Je ne sais pas ce que vous allez faire, moi je décampe. Tant pis, je ne la reverrai de ma vie. Montez ou déshabillez tout de suite. Non. Il faut aller trouver Capula, tenir qu'elle ne vous arrête. Ah! Ah! Oh! Mon cher Horace, je viens voir ma jeune invitée. Pourquoi la cachez-vous dans ce petit coin noir? Mes compliments, mon bon ami. Vos compliments? Quels compliments? Elle est charmante, Romainville. Non! Comment non? Enfin, si. très mal justement, un malaise. Mais comme chantez-vous? Elle est toute rose. Une danse la guérira. Elle a peur de recevoir un télégramme. Quelle drôle de peur. Comme elle a une jolie robe. C'est votre cadeau, mon tout bon? Certes non. Vous êtes contente de votre chambre, mon enfant? J'ai pensé qu'elle vous plairait. Demain matin, vous aurez le soleil la première. Ça vous amuse au moins, ce bal? Oh oui, madame. Qui m'a dit que c'était votre premier bal? Ce n'est pas moi. C'est toi, Horace. Ah non, c'est vrai, tu ne la connais pas. On vous a présenté, au moins? Oui, ma tante, on nous a présenté. Et elle est ravissante, n'est-ce pas? Ravissante, ma tante. Alors, pourquoi ne l'invites-tu pas? On joue la première valse. Mais ma tante, je l'ai l'invite. Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette valse? Elle bluffe. Elle ne sait rien. Elle sait tout. Elle est fine, jolie, assez. Mais comment se fait-il, Romainville, que vous ne m'en ayez jamais parlé? À vous dire vrai, ma chère amie, c'est un oubli que je ne m'explique pas moi-même. En somme, si je comprends bien, c'est une dandinette andaine par les femmes. Eh oui, mais... Elle est donc apparentée au Rochemarsois. Si l'on veut. Si elle tient au Rochemarsois, c'est qu'elle est aussi Cazobon. Cela va de soi. Le pauvre Antoine qui était Cazobon par les Marsus et les Villeville. Lui serait donc un peu quelque chose s'il vivait. Non, si peu. Et puis enfin, il est mort. Et moi, je suis encore vivante, Romainville. Et j'aime y voir clair dans ces questions de parenté. Il faut absolument que je situe cette petite... Voyons, vous dites que sa mère, qui était une fripon minet, est morte. Morte. La cousine de sa mère, donc, une de la boulasse. Morte aussi. L'aînée, celle que j'ai connue en pension, mais la cadette. Morte, morte. Comment, les deux? Les deux. Bah, et du côté de son père, du côté des Dupont Pitard. Tous morts. Pauvre. Un charnier. C'est un roman. Il adore. As-tu vu comme il a regardé, ma chère? C'est le prince charmant. Il est follement riche. Et beau comme la vie. Il faut que tu m'aimes, ma chère. La pauvre petite amour. Je ferai tout. Je ferai tout pour ton enfant, Josiane. À toutes nos folies de Maubeuge, tu te souviens? La pâtisserie Marius Labonne. Et les glaces de chez Patou. Et notre premier morceau à quatre mains, le soir de la fête des veuves. La valse des petites taupes. Si la seule femme irait-on? Un succès, ma chère, un succès! Et le sous-préfet est là. Si le 600-600 ré mi fa sol. Ré do si ré mi la do dièse. La si do ré do la sol fa mi ré do. Vous venez d'entendre le deuxième acte de l'invitation au château de Jean Anouilh. Voici immédiatement le troisième acte de cette comédie. Au lever du rideau, le bal bat son plein. Horace et Isabelle valsent en compagnie de trois autres couples. Qu'ils le battent. Je m'ennuie comme une vieille tapisserie. Je n'ai jamais aimé danser, mais depuis que je suis clouée à cette chaise, je trouve cela extravagant. Vous avez jamais aimé cela, vous, ma bonne? Oh, j'ai eu 20 ans. Ah bah, quand ça? Je vous ai toujours connu le même âge. Hé, madame, avant d'être chez madame, quand j'étais chez monsieur le baron. Mais chez monsieur le baron ou chez moi, c'est tout comme. Vous êtes une bonne fille, Capula, mais je ne vous apprends rien. Vous êtes laide. Quand on est laid, on n'a jamais 20 ans. On n'en a pas moins un cœur. Oh, ma toute bonne. Cet instrument-là, sans les autres, ne sert de rien. Mais ne me faites pas dire de bêtises. Vous avez tout de même été heureuse, Capula. Digne et respectée. Pour une fille comme vous, c'est la meilleure part. Il y a des soirs de bal comme celui-ci, où il y a dans l'air quelque chose d'inexprimable. Je sais, ma chère, ne l'exprimez pas. D'abord, ça ne vous irait point, et de toute façon, il est trop tard. Et puis, vous n'avez pas fait une si mauvaise affaire. Il vous reste le bon Dieu à vous. Une vie d'ennui, c'est un placement. Oh, madame! Vous irez vous asseoir sur les bons fauteuils à sa droite. Et moi, j'irai d'abord griller à petit feu pendant 2 ou 3 000 ans. Bon, ça passe vite. La miséricorde du Seigneur est infinie, madame. Il faut tout de même bien qu'il tienne ses promesses. Sans quoi les justes comme vous, qui ont tout misé là-dessus, seraient volés comme dans un bois. J'ai toujours rêvé du jugement dernier. Un bruit court parmi les bienheureux. Il paraît qu'il pardonne aux autres. Alors, ça les met dans un tel état de rage, ça leur remue tellement la bile d'un seul coup qu'ils ne peuvent plus se retenir. Ils éclatent en imprécations épouvantables et ils sont damnés à l'instant même. Avouez que ce serait comique. Vous ne pouvez pas penser cela, madame. Bon, ma chère, je puis tout penser. C'est bien moi, maintenant, que je ne peux plus rien faire. C'est moi non plus près de la porte que je vois un peu tous ces fous se trémousser. C'est la nièce de Romainville qui danse avec mon neveu. Oui, madame. Elle a une fraîcheur inattendue, cette fillette, au milieu de toutes ces futures petites dames comme il faut. Il n'y a qu'elle qui n'a pas l'air de jouer la comédie. Mais pourquoi Romainville ne la montrait-il pas? Ah, madame, je lui trouve pour ma part un charme, une distinction, une grâce. Comment vous dire? Comme vous voudrez, ma bonne, je ne vous écoute pas. Vous savez ce que je pense? Qu'il faudrait que nous nous amusions aussi ce soir, toutes les deux. Qu'est-ce que nous pourrions bien imaginer pour animer un peu cette soirée? Un cotillon! Un cotillon, un cotillon, hein, c'est bien de vous. C'est ce qu'on peut rêver de plus mieux, ma chère. Ah, que ce balai d'on pète. Regardez-les tourner, là, hein. Ils croient qu'ils s'amusent. Et ils ne pensent tous qu'à leurs petites vanités et à leurs petites affaires. Le monde n'est plus drôle. Il est temps de partir. J'ai connu des bals inouïs de mon temps. En 1902, à Biarritz, le duc de Médinosolar était amoureux fou de Lady Forgotten. Vous savez ce qu'il fit, ma chère? On donnait une redoute jaune, il vint en vert. C'était la couleur des yeux de sa maîtresse. Naturellement, personne ne comprend. Le règlement de la redoute était formel. On veut lui interdire l'entrée. C'était un Espagnol, ma chère, un homme terrible. Il ne donne pas un mot d'explication. Il tue l'huissier. Bien entendu, la fête continue. Leurs altesses, les enfants, devaient l'honorer de leur présence. Les organisateurs décident même, toujours à cause des altesses, que l'incognito restera respecté. Mais tous les policiers avaient des dominos jaunes. Ils vous invitaient à danser avec des regards et des moustaches terribles sous leurs masques. Seulement, comme ils n'invitaient que les dames, ils n'ont jamais pu retrouver le duc. Le lendemain, ils passaient la frontière et se faisaient tuer par un taureau à la grande course de Madrid. Voilà qui était vivre. Oh, madame! Qui sait si des événements tout aussi romanesques ne se déroulent pas ici même, en ce moment? Dans ce bal, mais vous rêvez, ma bonne. Oh, madame! Si un jeune homme beau, riche, follement débris, avait imaginé pour introduire ici celle qu'il aime... Mais chut, j'en ai trop dit, j'ai promis le secret. Mais vous l'imaginez, t'as plus laquelle, jeune homme? Pas seulement un jeune homme, une amie chère, un peu de jeunesse retrouvée. Oh, madame! Au déclin d'une vie sans azur, un cœur romanesque éclate quelquefois d'être mêlé de près à un conte de fées. Mais quel cœur, quel conte de fées? Capula, je ne vous suis pas. Imaginez, madame, une intrigue troublante, un amour plus fort que les barrières sociales et que le scandale, une passion pure comme la mort, un travesti, une mère tremblante qui se cache et voit son enfant triompher sans que jamais, jamais, touchant des saintes femmes, elle puisse dire son nom. Oh, les larmes me viennent, madame, pardon! Mais Capulet, expliquez-vous, mille tonnerres, au lieu de me pleurer sur la tête! Quelle mer tremblante, quel amour! Non, si j'en ai trop dit, c'est promis le secret! Quel secret? Au plus profond de mon âme, madame enfouie, brûlant comme un diamant. Elle l'aime? Il l'adore! Il est riche, elle est pauvre, il l'a déguise et l'introduit dans son château, c'est magnifique! Qui? Et tout le balcon qui ne s'occupe que d'elle! On chuchote le nom, on demande qui c'est, elle passe comme une reine, elle triomphe! Chère petite! Cher enfant des amours, mon besoin! Oh, pardon, pardon, c'est trop! Enfin, quelque chose se brise! Oh, Capula! On n'a pas un temps, vous êtes mademoiselle de compagnie et vous ne m'avez jamais rien dit de drôle. Mais je vous ai toujours comprise. Pour une fois que vos propos m'intriguent, j'exige de vous comprendre encore. Ou je vous chasse de mon service. Expliquez-vous. Non, j'en ai trop dit, j'ai promis le secret. Oh, plutôt la misère, plutôt la mort. Oh, c'est cela, la mort. Oh, tuez-moi, madame, plutôt tout de suite. J'ose tout. Mais qui vous parle de vous tuer? J'ai l'habitude d'être obéie sans en arriver à cette extrémité. D'abord, je vous ai toujours donné mes vieilles robes. Vous me donnez tout. Oh, je sais cela, madame. Deux devoirs s'affrontent en moi. Ah, madame, nous étions deux amis, deux pianistes. Jours heureux, insouciants, de façon. Une amie, que dis-je, une sœur. Je la croyais morte, je la pleurais, je la retrouve. Elle me dit qu'elle faisait partie de l'orchestre. C'était des nègres, je m'étonne. Alors elle avoue, elle me confie le cher secret, le fol amour de ce jeune homme pour sa fille, la pieuse supercherie du bon ami. Mais quelle bonne amie? Monsieur Guichard le Romainville, âme d'élite. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa nièce n'est pas sa nièce. L'amour l'a voulu. Et j'aime qu'il vous approche. Mais j'en ai trop dit, j'ai promis le secret. À qui? À la bien chère, sur sa tête, sur l'amitié des jours passés. Ou plutôt mourir. Oh, mais c'est violent! Ah, c'est violent! Oh, madame, je suis folle! Ah, oh, c'est ce qui me semble, ma fille! Ah, oh, madame, vous êtes bonne! Ah, oh, madame, vous pouvez tout! Un mot de vous et les barrières tombent! L'amour triomphe! Et la pauvre mère, humiliée, peut enfin dire: c'est mon enfant! Nous verrons ça! Poussez-moi donc jusqu'à ma chambre et expliquez-vous posément! Voyons, vous disiez que la nièce de Romainville... N'est pas sa nièce, madame. Votre neveu l'aime à mourir. Il a voulu, le cher petit, je me permets de l'appeler ainsi, qu'elle soit la reine du bal. Mon neveu? Mais quel neveu, Frédéric? Non, madame, monsieur Horace, oh, mais je... J'en ai trop dit, j'ai promis le secret. Ma chère, on m'a mis sur le parc, en plein nord. Brutalement, en plein milieu de l'après-midi, sans même m'avertir, on a déménagé mes valises. Il paraît que l'on ne m'a pas trouvé. Mais je n'en suis pas dupe, je n'ai pas quitté le billard. On ne m'a pas trouvé parce qu'on n'a pas voulu me trouver. C'est un coup monté, ma chère. À qui a-t-on donné votre chambre? À la nièce de Romainville, vous savez bien cette petite qui a de si jolis yeux. Mais cette jeune fille est un prétexte. La véritable raison est qu'il nous a vus hier et qu'il veut m'éloigner de votre appartement. Vous brodez, mon cher, vous brodez. Il aurait fallu mettre ma tante dans son jeu. C'est impossible. Mais tout est possible avec lui. Je lui ai vu offrir un pot de vin à l'archevêque de Canterbury. Il a accepté? Non. Et d'abord, comment avez-vous pu voir qu'elle avait de jolis yeux? Qui, cher ami? Cette nièce de Romainville. Mais je n'ai jamais prétendu qu'elle avait de jolis yeux, Dorothée. Prenez garde, Patrice. Mon amour pour vous est une chose exclusive et terrible. Si je savais que vous avez seulement regardé notre femme, je vous abattrais comme un chien. Dorothée! J'ai une conception sauvage et totale de l'amour. Ainsi, vous voyez, si vous dites vrai, et si Romuald a réussi à nous faire changer de chambre parce qu'il a surpris notre baiser de l'autre soir, mais je comprends fort bien qu'il songe à vous détruire. Je vais être franche, Patrice. Je serais déçue qu'il ne le fît pas. Et vous? C'est-à-dire que dans un certain sens, cher ami... Je trompe Romuald, c'est entendu. Mais j'ai besoin d'avoir pour lui la plus exigeante estime. L'homme que j'aime doit être noble et courageux. Mais l'homme que je trompe aussi. Il y a ainsi des êtres d'essence supérieure qui ne peuvent vivre qu'en beauté. Je suis de ceux-là. J'ai besoin de chiens de race, d'objets rares, d'hommes de premier plan autour de moi. Enfin, Patrice, fière et susceptible comme vous l'êtes, avouez que vous seriez terriblement mortifié si la passion n'arrachait pas à Romuald un cri sauvage. C'est-à-dire... Non. Un homme comme vous ne peut désirer qu'une femme déjà farouchement aimée. Oh, il y a de ciel, Patrice, entre des êtres comme nous. Brûlons intensément. Les autres sont peut-être là pour vivre. Nous, nous sommes... sommes sur cette terre pour brûler. Oui, Dorothée. D'ailleurs, nous sommes bien bons de nous soucier de lui. Mais qu'il nous ruine. Oh, j'adorerais être pauvre. Seulement, je voudrais être vraiment pauvre. Tout ce qui est excessivement enchante. Et puis, il doit certainement y avoir une grande poésie dans la misère. N'est-ce pas, Patrice? Certainement. Comme ce serait amusant. Je te prête ta vaisselle. Oh, je cuirai, cher, pour toi. Nous aurions des petits balais, des petites casseroles. Tu travaillerais dans une usine. Tu penses qu'avec mes relations au comité des forges, je te trouverai tout de suite une place de métallo. Tu rentrerais le soir, arrosé de fatigue, et sentant très mauvais. Oh, ça serait délicieux. Oh, je vous laverai, cher, avec une petite éponge. Oh, que c'est beau. Que c'est bon d'être pauvre. Mais qu'il vienne. Qu'attend-il? Son argent me brûle. Je lui rendrai tout, tout de suite, sans flipper. Attention, le voilà par les pattes. La peur vous égare, Patrice. Vous ne me plaisez pas, vous ne m'avez jamais plu, vous ne pouvez pas me plaire. Comment? Je ne suis avec vous que par pure convenance. Vous m'ennuyez, c'est clair. D'ailleurs, je barre. Patrice, Patrice, je vous défends bien. Reprenez-moi dans vos bras. Nergons-le, au contraire. Sortons-en dansant très attentivement ce tango. Vous êtes folle? Quand la brute sommeil, il faut l'attaquer aux banderies. Avez-vous vu les tours de taureau, cher ami? Oui, cher ami, mais je ne passe là. Tenez-vous droit. N'ayons pas l'air de l'avoir vu. Qu'il ne sache pas encore, si nous savons qu'il sait. Oui, mais s'il ne savait pas encore, Dorothée, ne croyez-vous pas qu'en ayant l'air de trop savoir qu'il sait, nous risquons peut-être, inconsidérément, qu'il sache? Mon ami. Monsieur. Ces deux personnes, en longeant cette terrasse, s'en vont bien vers les serres, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Puis-je me permettre de prendre les ordres de monsieur pour le souper de cette nuit? Des nouilles. Sans beurre. Et sans sel. Bien, monsieur. Dites-moi, mon ami. Monsieur. En descendant cet escalier, je rejoins bien les serres par le verger, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais si monsieur cherchait à rejoindre les deux personnes de tout à l'heure... Je prends la liberté de dire à monsieur que j'ai suivi ces deux personnes du regard tout en prenant les ordres de monsieur. Elles sont rentrées dans le corps du bâtiment par la petite porte du fond de la terrasse. Ces deux personnes sont donc très probablement remontées aux étages par le petit escalier intérieur. Bien. Pour remettre un peu d'ordre dans leur toilette, sans doute. Sans doute, oui, merci. Sans bas. Et sans sel. Isabelle, mais celle-ci le suit. Ils s'aperçoivent. Excusez-moi. Pourquoi, mademoiselle? J'ai l'air de vous suivre. J'entrais par hasard. Je le pense bien. Un beau soir. Oui, très beau. Vous avez une très jolie robe. Oh oui, très jolie. Croyez-vous? À quoi? Aux fantômes. Un peu, pourquoi? Vous avez l'air du fantôme de votre frère, à qui il serait arrivé quelque chose de très triste. C'est tout à fait cela. Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes riche. Que peut-il vous être arrivé de si triste? D'être beau, comme vous dites. D'être jeune, d'être riche. Que cela ne me serve à rien. Excusez-moi, mademoiselle. Monsieur. C'est parfait. Je ne sais pas quoi lui dire, je me sens honteuse devant lui. Excellent. Il va se demander pourquoi je ne suis partout, pourquoi j'essaye toujours de lui adresser la parole. C'est ce que je veux. Je n'en peux plus. Il est minuit. Vous êtes engagée jusqu'à l'aube, mademoiselle, debout. D'ailleurs, vous êtes bonne et c'est une bonne action que vous faites de remonter un peu ce pauvre garçon. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Bravo, regardez-le avec ces grands yeux-là. Vous êtes une comédienne étonnante. Où avez-vous trouvé ce regard? C'est le mien. Compliment. Posez-le sur lui toute la soirée, il ne peut pas ne pas être touché. Sur lui, ce ne sera peut-être pas le même. Oh, quelque chose d'approchant suffira. Cher petit frère, il a tellement peu l'habitude d'être regardé gentiment. Attention, le voilà qui revient. Vous voyez bien qu'il avait envie de vous parler. Du sang-froid, de l'imagination. Je vous écoute. Mon frère cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas. D'habitude, quand mon frère cherche une jeune fille, elle le sait. Vraiment, je ne l'ai pas remarqué. N'est-ce pas qu'il est beau, mon frère? Oui, très beau. Nous nous semblons comme deux gouttes d'eau, mais il n'y a que les hommes qui s'y trompent. Les femmes savent toujours quand c'est lui. À quoi peuvent-elles le voir? Je ne sais pas. Je crois que lui ne les regarde pas. C'est pour cela. Vous avez une très jolie robe. N'est-ce pas? Il n'est pas seulement beau. Qui? Votre frère. Ah oui, il est très intelligent, bien plus que moi. Très courageux aussi, très intrépide, toujours prêt à marcher sur les corniches ou à mettre ses mains dans le feu. Je ne crois pas cependant qu'il puisse faire une toute petite chose tous les jours pendant très longtemps. Je ne crois pas qu'il puisse aimer. C'est peut-être pour cela qu'on l'aime. Il est très dur. Il est très bon d'ailleurs aussi. Il vous aime beaucoup. Il ne voudrait pas que vous ayez mal. Oui, cela l'agace. Ce n'est peut-être pas parce qu'il m'aime beaucoup, mais cela l'irrite de me voir souffrir. Il n'aime pas que l'on souffre. Surtout d'amour. Je vous assure qu'il vous cherche. Je cherche justement une jeune fille de mon côté. Si je le rencontre en la cherchant, voulez-vous que je lui dise que vous êtes là? Vraiment non. Merci. Il est beaucoup plus amusant que moi. Je suis très bien près de vous. Restez, je vous en prie. Oh, que c'est triste. Qu'est-ce qui est triste? Excusez-moi, ça n'est peut-être pas très poli ce que je vais vous dire. Et c'est peut-être même un peu méchant. Et je ne voudrais pas être méchant. Seulement, si c'était cette jeune fille que je cherche en vain dans ce bal, qui m'avait dit ce soir ce que vous venez de me dire, je crois bien que je serais mort de bonheur. Ou alors il vaut mieux que ce soit moi qui vous l'ai dit. D'ailleurs, ce n'est ni impoli ni méchant. C'est un sentiment que je comprends très bien, moi aussi. Vous êtes très bonne. Excusez-moi tout de même. Mademoiselle. Monsieur. Ah non, mademoiselle, non, non, je ne vous ai pas engagé pour ça. Qu'est-ce que je fais? C'est soupir, cet air de dire que vous aussi, vous seriez mieux avec un autre, que ce soit la dernière fois. On vous paie pour jouer un rôle, eh bien ma chère, jouez-le et sans honte. Il n'y a pas de saut métier, le seul point, c'est de les bien faire. Arrêtez-vous. Pourquoi? Si vous continuez à me parler sur ce ton, je vais pleurer. Excellent, je n'osais pas vous le demander. Oui, les larmes forcées ont toujours quelque chose de grotesque. Mais si vous pleurez de vous-même, ça, excellent. Le chien petit frère va fondre. Pourquoi n'avez-vous pas de cœur? Parce que mon frère en a trop, mademoiselle. Nous sommes nés en même temps, il s'est fait entre nous un partage. J'ai eu autre chose, il a eu tout le cœur. Vous le voyez pourtant bien que je suis malheureuse. Délicieusement. Vous avez une façon d'être malheureuse qui attendrirait un rocher. Avez-vous une sœur jumelle dont vous ayez pris tout le cœur, vous aussi? Je vous déteste. J'y compte bien. Dites du mal de moi avec mon frère. Ayez des déluges d'attendrissement tous les deux, c'est dans mon plan. Vous ne pensez pourtant pas que c'est pour votre robe et votre cachette danseuse que je vous obéis ce soir? Non, chère petite âme, je ne pense rien d'aussi laid. Ça m'est égal, votre frère. Ça m'est égal de le guérir, égal d'être élégante et que tout le bal me regarde. J'ai l'habitude d'abord que les hommes me regardent, même quand je ne suis pas aussi bien habillée. Vous croyez que c'est amusant? Non, mon petit cœur, c'est affreusement triste. Vous êtes la plus malheureuse du monde. Ne vous retenez donc plus. Laissez-vous aller. C'est laid. C'est obscène, le regard des hommes. Ça se pose sur vous comme des limaces, comme des chenilles. Ça se glisse partout. Fille, quelle horreur! Et comme je vous comprends d'être désespérée. Pleurez, mon petit rat, pleurez. Là, c'est bien. Vous voyez comme c'était facile? Je vais avoir les yeux rouges. C'est malin. C'est inespéré. Ah, Isabelle, chère Isabelle, moi aussi je souffre. Moi aussi je meurs. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il revient. Gardez la peau, je veux qu'il me trouve à vos pieds. Oh! c'est elle, dit... Oui, ma chère, mon cœur déborde. J'en suis couvert. C'est une inondation de cœur. Vient-il vers nous? Oui. Levez-vous, je vous en supplie. Je tente un grand coup. Tant pis, je vous embrasse. Monsieur Horace. Pourquoi? Tant pis. Excusez-moi, il le fallait. Oh, oh, j'ai trop honte. Vous pleurez? Oui. Vous devriez pourtant être content. Mon frère vient de vous embrasser. D'habitude, les autres rient. Elles sont rouges, elles ont soudain envie de bouger, de danser, de parler très fort. Vous, vous êtes toute pâle et vous pleurez. Oui. Je m'excuse, c'est peut-être moi qui l'ai fait fuir. Non. Ne soyez pas malheureuse. Il y a bien assez de moi dans ce bal. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je ne pourrais pas supporter que vous soyez malheureuse. Laissez-moi. Mademoiselle, je sais que le chagrin des autres ne console pas beaucoup. Mais je voudrais vous dire quelque chose tout de même. Quelque chose dont je suis presque sûre depuis hier. Je crois que cette jeune fille ne m'a choisie que parce qu'elle ne pouvait pas épouser mon frère. Elle s'est dit, puisque l'autre ne me veut pas, prenons celui-là qui est son image. Si c'était vrai, ce serait bien laid. Alors c'est tout de même une chance, elle aurait pu ne pas me choisir du tout. D'ailleurs, j'ai l'habitude, quand nous étions petits, que mon frère faisait une bêtise et que la gouvernante ne pouvait pas le prendre, c'était aussi moi qu'elle punissait. Je suis une sorte de figurant. Ça n'est jamais tout à fait vrai, ce qui m'arrive. Vous aussi? Pourquoi moi aussi? Vous êtes une vraie jeune fille, vous. Je ne voudrais pas vous faire un compliment trop fade, ça n'est pas le moment. Mais je suis sûre qu'on ne vous confond pas. Ce n'est pas à cause de lui que je pleure, monsieur. Comment? C'est à cause de vous. Mais mon frère vient de vous embrasser. Il m'a forcé. Ce n'est pas votre frère que j'aime. Mais qui est-ce? C'est votre frère. Mais bon, mais tendre. Un peu triste. Capable d'amour. C'est votre frère? Mais c'est vous. Oh, oh! Bravo! Très bien! Seulement, il ne fallait pas vous sauver, c'est la première fois qu'on lui dit qu'on l'aime, pauvre petit lapin. Regardez-le! Ça lui a donné envie de courir. Brusquons les choses. La jalousie, tout de suite, pendant que c'est chaud. Un troisième jeune homme est amoureux de vous. Quel jeune homme? C'est mon affaire, je le trouverai. Furieux de voir que je ne vous quitte pas, il me provoque ce soir même et nous nous battons. Vous êtes fou! Un duel au clair de lune dans le petit bois pendant le souper. On entendra les coups de pistolet, on arrêtera l'orchestre. Et tous les convives sortiront avec les candélabres du salon pour chercher le corps dans le parc. Pendant ce temps-là, folle d'amour, car vous êtes folle d'amour, ma chère, c'est bien entendu. Vous vous jetez dans le grand bassin. Vous nagez? D'ailleurs, c'est sans importance, vous avez pied et je serai là. Je vous repêche, je vous ramène, je vous dépose toute mouillée sur l'herbe devant mon frère et je lui dis « Voilà ce que tu as fait !» Après ça, le bougre, s'il ne vous aime pas, c'est qu'il est encore plus fort que moi. Vous hésitez? Ah, vous avez peur de la baignade, peut-être? Je triplerai votre cachet. Je vous achèterai une autre robe. Soyez gentil, acceptez, mademoiselle, pour me faire plaisir. Je m'amuse tellement ce soir, et c'est si rare pour moi. Oh. Frédéric! C'est Horace. Ah, pardon. Je n'ai pas rougi. Celui qui ne rougit pas, c'est Horace. Je vous donne le truc, il peut vous être utile. C'est comme cela que notre bonne s'y retrouvait autrefois pour les gifles. D'ailleurs, pour être plus sûr, elle nous giflait tous les deux. Et Frédéric n'avait jamais rien fait, déjà. Vous le cherchez? J'ai cru que c'était lui qui embrassait cette jeune fille. Mais c'était vous, c'est tout différent. Pardon. Vous avez vu votre frère? Bien sûr. Sauf vous, tout le monde l'a vu. Il erre comme une âme en peine dans le désert de ce bal. Vous voulez vous assurer que ce soir encore, vous lui avez bien brisé le cœur? Je ne cherche à briser le cœur de personne. Vraiment, ça ne m'amuserait pas. À propos, Frédéric m'a assuré que ce n'était pas lui qui m'avait embrassée hier dans le parc. J'ai menti pour qu'il n'ait pas trop de peine. J'ai dit que j'avais tout imaginé. Est-ce vous qui vous seriez permis cette plaisanterie détestable? Hier, dans le parc. Vers quelle heure? Oh, ne cherchez pas, je vous en prie, Horace. J'espère que vous n'avez embrassé que moi. Après le dîner? Alors, vous devez faire erreur, ma chère, je jouais au billard avec Patrice Bombay. Frédéric m'a juré que ce n'était pas lui. Ah, je ne vois qu'un troisième larron profitant d'une vague ressemblance. Vous avez tort de jouer ainsi avec l'amour de votre frère, Horace, c'est cruel. Si au moins vous m'aimiez, si au moins c'était plus fort que vous. Mais ce n'est pas plus fort que vous, n'est-ce pas? Vous me mettez dans une situation impossible, ma chère. Je vais être obligée de vous dire que non. Je vous déteste! Vous aussi? Je suis bien peinée ce soir. Avez-vous vu Patrice Bombay? On me dit qu'il me cherche partout. C'est cocasse, lui non plus, n'a pas été content de me trouver dans les bras de cette jeune fille. Il paraît qu'il est fou d'elle. Je l'ignorais. Décidément, tout le monde est fou de cette petite. Elle est d'ailleurs charmante. Elle a une très jolie robe. Vous ne trouvez pas? Adieu. Dois-je vous envoyer mon frère? Je vous remercie. Je le retrouverai. Papa! Mon enfant? Es-tu riche? On me le dit. Veux-tu tout comme lorsque j'étais petite? Presque tout. Ça n'est pas vrai. Tu n'auras jamais assez d'argent pour t'éviter d'être humiliée et empêcher ta fille de souffrir. Il recommence, papa. Qui recommence quoi? Tous! À nous humilier. Tu rêves, ils tremblent devant moi. Je lève un doigt, ils n'ont déjà plus que la moitié de leur petite rente. Tu crois que je ne te vois pas derrière cette femme? Tu as beau lui donner plus d'argent qu'à toutes les autres, elle se moque de toi, papa. Je suis vieux, je suis laid, ma petite fille. Ce sont mes affaires. D'ailleurs, il ne me déplaît pas qu'elle me traite ainsi. Elle nargue, elle se pavane, mais je la tiens par le fil de son collier de perles comme une carpe à hameçon. Elle revient toujours, parce qu'elle a toujours quelque chose à me demander. Moi, je suis belle, moi, je suis jeune et je n'ai pas ces sentiments-là. Bien sûr, ma petite gazelle. Non, j'essaie de m'humilier moi aussi, papa. Tu as voulu ce garçon, je te l'ai acheté. Il se dérobe maintenant. Tu ne me l'as même pas acheté. Il m'aime. Un joli cadeau, je l'avais pour rien. Son frère se moque de moi. Je suis riche, mais je ne peux pourtant pas te les offrir tous les deux. Non, pas parce que je ne suis pas assez riche, mais parce que ça ne se fait pas. Épouse celui que tu préfères, il est à toi. Tu n'es pas assez riche, papa, pour m'acheter celui que je préfère. C'est pour ça que j'ai pris l'autre. Pas assez riche, moi. Ne me fais pas mettre en colère. Tu sais ce qu'ils ont fait? Tu sais ce qu'il a fait, car c'est lui, j'en suis sûre. Il a fait venir cette jeune fille. Elle tourne autour du pauvre Frédéric qui n'y comprend rien. Et lui, qui ne s'occupe de personne, l'insensible, le bel Horace, il ne la quitte pas. Tout le monde s'étonne et le bal n'a lieu que pour elle maintenant. Et on me laisse et je meurs qu'on me délaisse même un tout petit peu. Oh, j'ai mieux déchirer ma robe tout de suite, me griffer les genoux, devenir laide. Au secours, papa! Mais qui est cette jeune fille? Je ne peux presque rien sur une jeune fille. La nièce de Romainville. Bien, je peux peut-être quelque chose sur ce Romainville. Qui est-il? Ce gros homme qu'on t'a présenté hier. Celui qui a l'air si respectable avec sa grosse légion d'honneur. Je n'ai plus peur des légions d'honneur. D'ailleurs, j'en ai une. Je n'ai plus peur des airs respectables. C'était bon tout au début. Qu'est-ce qu'il fait? D'où vient son argent? Renseigne-toi. Si tu crois que j'ai envie d'aller questionner tous ces gens qui ne s'occupent pas de moi, il est administrateur, comme tous ces hommes-là. Vous les employez tous pour faire bien dans vos conseils. Ils sont commodes. De quoi celui-là fait-il semblant de s'occuper? De l'acier, du ciment, des sulfates? Il me semble qu'il a parlé de la grande file. C'est bien. Mène-moi à lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ma gazelle, pour être agréable? Qu'il renvoie sa nièce tout de suite au milieu du bal? Qu'il l'oblige à mettre une autre robe? C'est impossible, papa! S'il a un sou dans les sulfates, c'est possible. Tu crois que tu peux tout, mais tu ne peux pas tout! Tu ne connais pas ces gens-là! Ils sont plus forts que nous, papa, avec leurs portraits pleins de poussière et leurs maisons qui ne tiennent plus debout. Ils ont autre chose qui les passionne et qu'ils appellent leur honneur. Ils le disent. Ils n'ont même que ce mot-là à la bouche. Mais mène-moi tout de même à lui. Je n'ai pas peur de son honneur. S'il a un sou dans les sulfates, il n'en a plus. Monsieur! Monsieur? Je vous cherchais. Moi, monsieur? Oui, monsieur, je viens vous parler. À quel sujet, monsieur? Vous êtes bien hier, n'est-ce pas, dans le parc avec Lady Dorothea, ma cousine? Peut-être, monsieur. Vous observez sans penser à rien. Vous sembliez avoir une discussion passionnée. Toute mondaine. Je n'en doute pas, mais à un certain moment, vous avez dû la mettre en tête. Cette dame vous a giflé. Moi, monsieur? Vous? Vous faites erreur, monsieur. Non, monsieur. C'est-à-dire, cette dame a peut-être giflé, mais ça n'est pas une raison pour penser ce que vous avez l'air de penser, monsieur. Qu'ai-je l'air de penser? Après tout, que diable, une gifle n'est pas toujours un signe d'entente entre un homme et une femme. Certes, non. On gifle des indifférents, monsieur, des inconnus. Ça ne prouve absolument rien. Ainsi, si je vous giflais maintenant de but en blanc, on irait vous déduire et colporter partout qu'il y a entre nous des relations amoureuses. Oh, je m'en garderai bien. Alors, monsieur, pourquoi cette attitude provocante? Ces clins d'yeux, ces sourires, ces demi-mots, ces ricanements le soir sur les terrasses, en faisant semblant de vous étrangler dans la fumée de vos cigares? Car je n'ai pas été dupe hier, monsieur. Pas dupe ce instant! Vous êtes très clairvoyant. Oui, monsieur, c'est ce qui me perd. Toujours aux aguets, toujours aux aguets, je vois tout, j'entends tout, je n'en peux plus. Voilà ce que je voulais vous faire dire. Parlons gentiment, comme de grands garçons. J'ai besoin de vous. Vous êtes jeune, vous êtes charmant, mais vous devez aimer la tranquillité. Avouez-moi donc, entre quatre yeux, que cette vieille liaison avec cette folle vous assomme. Mais je viens d'être telle, monsieur. Naturellement, mais parlons net, voulez-vous? Vous êtes dans une situation sans issue. Si Messire Schmann apprend qu'elle est votre maîtresse... Pas les mots, monsieur, pas les mots! Il vous casse les reins. Tout de suite, monsieur, et pour toujours. Et ça n'est pas seulement dans les sulfates, c'est toute l'industrie qui m'est fermée. D'un autre côté, si cette folle apprend que vous la délaissez, elle en parle de dépit à Messire Schmann, elle lui fait une petite danse, et elle obtient comme Salomé qu'il vous casse les reins tout de même. Voilà 2 ans que ça dure, monsieur, 2 ans. Eh bien, mon cher, cela va finir ce soir. Comment ça? Oh, d'une façon tout simple. Oui, c'est passionnant, ces dilemmes. Mais tout seul, on n'en sort jamais. J'ai pitié de vous. Et comme par ailleurs ça m'arrange, je vous aide. Figurez-vous que vous êtes chez le dentiste. Vous avez sonné, vous vous êtes assis dans le fauteuil, vous avez désigné la dent malade, l'autre a saisi ses instruments. Vous êtes une grande personne, c'est trop tard, vous ne pouvez plus reculer. Que dois-je comprendre? Ceci, il va falloir choisir. Ou vous refusez de m'obéir ce soir et je vous le dis tout net, je m'arrange pour que votre patron apprenne votre liaison coupable. Non! Comment non? Vous êtes un gentleman, vous ne la ferez pas. Si! Je n'enverrai pas de lettre anonyme, je ne soudoirai pas un domestique. Je le ferai comme un gentleman, mais je le ferai. Je vous méprise, monsieur! Bien! Ça vous est égal que je vous méprise? Tout à fait! Soit. On ne peut plus discuter. Que voulez-vous que je fasse? Que dans l'alternative, vous choisissiez l'autre façon de vous suicider. Il y a ici une jeune fille qui est charmante. Pour des raisons très importantes que je n'ai pas à vous révéler, j'ai besoin que vous ayez l'air passionnément amoureux d'elle. Moi, monsieur? Vous! Ça n'est pas tout. Comme vous m'avez surpris dans les bras de cette jeune fille, dans un excès de fureur jalouse, vous avez décidé de me souffleter. Moi, monsieur? Vous, venez avec moi, nous allons régler l'incident. Nous nous battrons ensuite au pistolet dans le petit bois au clair de lune. N'ayez pas peur, je tire très bien, je vous promets de pas vous atteindre. Souffrance de te savoir aimer et de souffrir par toi. Et ce bon lieutenant dont tu fis connaissance, il ne m'aurait pas vu. Tu l'as aimé pour moi. Ah, tête contre tête et mêlant nos anglaises, blondes comme 2 sœurs. Te souvient-il des soirs sur le pupitre sombre où lassent les arpèges? Nous écrivions ensemble à ce bel ange noir. Missives enflammées, amour inextinguible. Toi, tu tenais la plume et j'inventais les mots. Quel petit dieu malin nous avait pris pour cible folle que nous étions. Quelquefois, c'était trop. Je lui écrivais « Viens, viens ce soir, prends-moi vite. Tu frapperas 3 coups et je serai à toi. » Moi, je te laissais faire, amoureuse. Et ensuite, j'entendais les 3 coups et je rentrais chez moi. Pardon, petite sœur. Te pardonner, Josiane, pour mon seul grand amour à travers toi vécu. Te pardonner ce trouble au profond de mon âme. Te pardonner ces joies qui ne reviendront plus. Ah, le fier lieutenant du 168e. S'il avait su pourtant que celle qu'il aimait, c'était le professeur de piano du 5e, caché avec son cœur dans ton corps parfumé. 6 mois durant, nous fûmes ses amants. Puis un enfant naquit, dont j'étais mère aussi. Avons-nous tricoté pour la tête charmante, rêvant du lieutenant au régiment? Changé de garnison. J'écrivis à ma tante qui tenait un café chantant à Montpellier. Je me sentais trop seule. Et puis ce fut la pente. Mais ce soir tu triomphes et vas tout oublier. Les années de misère et le piano sordide et les compromissions, le sort d'Actula. Paraît, ébloui-les de tes atours splendides. Tu es pour une nuit, comtesse funella. Chut, je vais chercher madame. chère. Elle est très réussie. Nous allons faire sensation. Ah, vous êtes bonne, madame. Mais non, ma chère. On n'est jamais bon que dans les bons livres. Je ne fais cela que pour ennuyer mon neveu. Mon cher Horace, j'ai pensé que vous seriez heureux d'être présenté à une de mes bonnes amies d'autrefois, que j'ai connue en Italie. La comtesse Finera. Mon neveu Horace, comtesse. Enchanté, monsieur. Madame. Venez, ma chère. Je suis ravie de vous avoir revue après cette longue absence. Parlons de Venise. Quelle époque! Vous rappelez-vous Palestrina? Oh, quel bonjour! Il s'est éteint une jaunisse. Je vais vous présenter à tout le bal. Dites-moi, mon ami, vous aviez une fille, je crois. Qu'était devenue cette chère petite? Oh, c'est toute une histoire, ma chère! Voici la clé, monsieur. Elle n'a plus que passer par la fenêtre. Ou bien, c'est madame qui lui a fait ouvrir. Comtesse Funella, ne jamais rien vu pareil. Oh, pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli m'asseoir. Voilà 30 ans que ça ne m'était pas arrivé. Arrêtez! Arrêtez, arrêtez! Quoi? Tout, cette fois, c'est très grave. Un traquenard abominable, une suite d'événements inattendus, les dessous de la haute finance. Motus, il faut que cette jeune fille s'en aille à l'instant même. À l'instant même où je suis ruiné. Et qu'est-ce que vous racontez, vous aussi? Enfin, tout le monde est fou ce soir. Je suis administrateur dans plusieurs sociétés de sulfate et dans une société de ciment. Je le sais, quel rapport? C'est pourquoi cette jeune fille doit quitter le bal à l'instant même. Oui, de puissants intérêts financiers l'exigent. Je ne peux pas vous expliquer. Manœuvre de bourse. Si vous ne voulez pas m'aider, tant pis pour votre tante, j'aime mieux le scandale. J'aime mieux me brouiller pour la vie avec elle. J'aime mieux n'importe quoi. Je m'en vais sur le champ tout lui dire. Ah, mais attends, regardez qu'elle est en train de présenter à tout le monde, au beau milieu du grand salon. Mais je suis myope, je ne vois pas de loin, oui. Mettez vos lunettes, ça en vaut la peine. Sacrebleu, mais je ne rêve pas, c'est... Oui, la comtesse Funella, de la haute société italienne. Encore vous qui avez inventé cela! Non, cette fois c'est maintenant! Mais pourquoi? Pour rien, c'est ce qui est grave! Monsieur! Monsieur! Puisque vous n'acceptez pas de plein gré de renoncer à cette jeune fille! Mais non, monsieur, vous m'en disiez! Plus tard, monsieur, plus tard! Venez, mon ami! Allez, empêchez l'autre de... C'est bien, je viendrai! La plus de service possible! Mesdames, Messieurs, le rideau du théâtre de l'Atelier vient de se baisser sur les trois premiers actes de l'Invitation au château, la comédie en cinq actes de Jean Anouilh. Voici maintenant les quatrième et cinquième actes de cette pièce. Au lever du rideau du quatrième acte, sont en scène Horace et Isabelle. Alors? Ça ne m'amuse plus. D'ailleurs, votre folle de mère va faire une bévue d'un moment à l'autre et tout va s'écrouler. Regardez-la! Elle roucoule, elle fait la roue, elle se dandine. C'est une basse-cour complète à elle toute seule. Elle me fait frémir. Elle est en train de raconter au général de Saint-Mouton qu'elle est la filleule du pape. Et l'autre vieil imbécile qui voudrait bien que son catholicisme lui rapporte se voit déjà ambassadeur au Vatican. Non, il faut agir. Est-ce que je dois toujours me jeter à l'eau? Non, non, vieille histoire, il faut trouver mieux. Et tout de suite, où ma respectable vieille chipie de tante est capable de me manger mon effet. J'ai une idée. Vous me faites peur. Malgré l'entrée de cirque de votre mère, c'est incontestable, vous êtes resté le clou de ce bal. Vous avez fait sensation, ma chère. Distinction, tenue, réserve, les douairières elles-mêmes sont pour vous. Sortent-elles des oiseaux ou bien des hirondelles, qui dont l'a élevée lui a donné ce ton? Vraiment, pour le maintien, on ne fait pas mieux qu'elle. Quelle pudeur, quel charme en sa conversation. Je vous suis. Je recueille les murmures, flatté comme un impresario. Les hommes, n'en parlons pas. La tapisserie des mères ayant des filles à marier vous fusille de ses faces à main. Mais vous passez comme le grenadier de la tour d'Auvergne. Les filles sont vertes de rage, Diana a donné là. Mais tout cela n'était qu'un lever de rideau. Une fluette, une berquinade tout au plus bonne à remonter le pauvre Frédéric. Je vais faire mieux. Je vais faire courir le bruit que vous n'êtes pas vraiment la nièce de Romainville. Que le pauvre grand n'est qu'un prête-nom et qu'il n'est sans doute pas impossible que votre mère soit votre mère. Ou mieux, que riche à millions, comme de juste, et fruit des amours coupables d'une altesse portugaise et d'un amiral poète péri en mer, j'en trouverai bien un, on vous présente ce soir dans le monde incognito. Et au petit jour, quand ma petite histoire rocambolesque aura suffisamment volté de bouche en bouche et déposé ses œufs empoisonnés dans les oreilles bien lavées de toutes ces petites perruches, quand Diana sera tout à fait desséchée de jalousie, quand cet imbécile de Frédéric lui-même, obscurément flatté de votre choix, commencera à regarder d'un œil moins soumis son bourreau, je sors de la coulisse. Je me montre. Je monte sur une chaise sous prétexte d'annoncer le cotillon. Je demande le silence et je leur dis en substance « Mes seigneurs, vous êtes tous empoisonnés !» Et profitant du désarroi, j'enchaîne « Imbécile !» Cette nuit était entièrement truquée. Fictifs tous ces événements, prévus d'avance, scrupuleusement minutés. Au cours de cette séance mémorable, vous avez pu voir, et du geste je montre Diana comme un appariteur, le fond du cœur des jeunes filles. Ces rochers, cette boue, ces fleurs mortes. Et vous avez pu voir aussi, et je vous montre à votre tour, un ange. Un ange trop ressemblant, hélas, pour être vrai, car vous avez été dupés, mes seigneurs. Ce que vous appelez le bon ton, le goût, la distinction, ne sont que vos pauvres inventions. Cet ange, cette jeune fille qui vous éblouit depuis hier soir, est une figurante payée par moi, une pauvre petite danseuse de l'opéra que j'ai engagée pour vous jouer la comédie. Elle n'est pas la nièce de Romainville, elle n'est pas la fille de l'amiral poète péri en mer, elle n'est rien, et personne ne l'aurait peut-être remarqué si je l'avais amenée ici pour faire son numéro habituel. Mais j'ai voulu que son numéro fût la caricature réussie de votre propre parade. Je l'ai présenté à vous et voilà ce que je vais leur dire. Et moi? Comment vous? Qu'est-ce que je deviens, moi? Que voulez-vous donc devenir? Je vous remets entre les bras de madame votre mère et de Romainville et il vous reste une belle robe et un joli souvenir, ce qui reste toujours d'un bal. Vous n'avez pas pensé que je pourrais avoir honte? De quoi? Vous êtes une fille libre, spirituelle. Vous ne pouvez détester ces gens-là, moi je les méprise. Et nous nous associons pour nous moquer d'eux. Quoi de plus drôle? Seriez-vous aussi une petite bourgeoise, ma chère? Oh non! Oh, je vous en supplie! Gardez la robe et laissez-moi partir sans rien dire! Vous ferez appeler maman pour nous faire conduire tout de suite à Saint-Flour! Et je vous jure que personne n'entendra plus jamais parler de moi! Vous êtes folle? Oh, je vous en supplie! Pas devant vous! Pas devant votre frère! Pas tout de suite! À l'instant même! Oh, monsieur Horace! C'est mal de ne penser qu'à jouer! On a tout juste le temps de cela, ma chère, avant d'être tout à fait mort. Oh. Vous avez une très jolie robe, c'est vrai. Oui. Et c'est vrai aussi, vous êtes ravissante. Vous êtes bien bonne. Pas extrêmement soignée, peut-être. Vous sentez un peu la nature. Pas une très bonne poudre, sans doute. Pas un très bon parfum. Figurez-vous que je trouve que les vôtres sont trop bons. Vous ne la sentez pas assez, vous, quoi? La nature. Dégoûtez les couleurs, ma chère. D'ailleurs, si l'on n'a pas une femme de chambre très au courant de tout cela, il est fatal qu'avec la meilleure volonté du monde, on se néglige. On ne peut vraiment pas se soigner tout seul. Vous vous levez tôt? Oui. Ça se voit. Et vous? Vous vous couchez tard? Oui. Ça se voit aussi? Merci. Entre nous, ça ne vous gêne pas trop? Quoi? D'avoir sur le dos une robe que vous n'avez pas faite vous-même. Il y en a si peu. C'est égal, vous ne devez pas vous sentir tout à fait chez vous. On s'y fait. En revanche, mes cils sont à moi. Je vous félicite, ils sont très beaux. Les yeux aussi. Heureusement, car vous aurez beaucoup besoin de tout ça demain, sans la robe. Je l'emporte, on me la donne. Comme je suis contente. Vous pourrez donc être belle encore une fois. Il paraît qu'il y a un très joli bal pour le 14 juillet à Saint-Flour. Vous y ferez sensation. Ma robe à moi. Vous l'aimez? Elle est très belle. La voulez-vous? Je ne la remettrai jamais. Je l'aimais rarement plus de deux fois. D'ailleurs, j'ai horreur du vert. Demain, j'en aurai une rose au dîner. Un chef-d'œuvre, ma chère. Rien que des petits plis, 20 mètres de tissu, une folie. Montez dans ma chambre, je vous la montrerai. Pour mon séjour ici, j'en ai apporté 12. Venez les voir, je suis sûre que ça vous amusera beaucoup. Non. Pourquoi? Seriez-vous envieuse, ma chère? C'est un si vilain sentiment. Vous auriez bien voulu être riche, n'est-ce pas? Vous auriez bien voulu que ce soit vrai l'histoire de ce soir et avoir beaucoup de robes comme moi? Naturellement. Et vous n'en aurez jamais qu'une, chère petite. Et si je mettais le pied sur votre traîne, là, tout de suite, comme ça, et si je tirais un tout petit peu, voilà, vous n'en auriez plus du tout. Enlevez votre pied de là! Non! Enlevez votre pied de là tout de suite ou je vous crève les yeux! Mais pas ainsi, petite furie, ça va craquer! Oh! Ma robe! Vous l'avez voulu? Vous pourrez faire une petite couture pour Saint-Flour, ce sera encore très bien. Car c'est passionnant, je n'en doute pas, d'être une petite intrigante et de venir triompher pour un soir avec une robe empruntée sur le dos, mais ça ne peut pas durer bien longtemps. Demain matin, il faudra reprendre la petite valise de carton et le wagon de troisième classe qui sent le vomi. Et moi, Je serai encore là. Ce sera encore vrai pour moi demain, ma chère. C'est ça qui fait la différence entre nous. C'est amusant d'être méchant. Non, d'ailleurs. Mais on ne peut pas toujours s'amuser. Vous êtes malheureuse, vous aussi? C'est étrange. Pourquoi? Je suis trop riche. Frédéric vous aime. Je ne l'aime pas. J'aime Horace et mon argent le dégoûte. Et je pense qu'il a raison. Devenez pauvre. Si vous croyez que c'est facile. Je vous assure que je n'ai fait aucun effort. Vous n'avez pas un père comme moi. Vous n'avez pas 10 ans de mauvaises habitudes derrière vous. Vous croyez que c'est amusant toutes ces robes? Je ne les aime plus, je ne les vois même plus. C'est comme ça qu'on s'habille, voilà tout. Et la saison prochaine, ce sera autrement. Ce serait si bon de n'en avoir qu'une et de l'aimer. Ce serait bon, jusqu'à ce qu'on vous la déchire. Un petit accord de rien du tout. Cette bague, j'en ai 10 autres, je ne la vois même plus. Ce n'est plus qu'une bague, je ne sais même plus quand ni pourquoi mon père me l'a donnée. Ce château, il doit être très agréable. Mais tous mes amis ont des châteaux. J'en ai aussi, c'est là que nous habitons. Ce n'est plus le château, mais une maison comme les autres. Non, je sais que c'est très irritant pour les pauvres, ce genre de raisonnement. Mais essayez de comprendre tout de même. Je ne serai plus jamais, quoi que je fasse, invitée au château. C'est vrai que c'est triste. C'est affreusement déprimant. Seulement, il y a tellement de pauvres, ils sont tellement intrigants et agissants, tous. Et puis, comme c'est presque toujours eux qui écrivent les livres ou les pièces de théâtre, ils ont réussi à donner une réputation à l'argent. Mais l'argent n'apporte quelque chose qu'aux pauvres, précisément. Ça prouve qu'il y a quelque chose de mal fait sur cette terre. Mais comme d'un autre côté, on n'a jamais vu les riches faire un effort vraiment sérieux pour ne plus en avoir, moi, je vais faire ce que font toujours les pauvres. Les pauvres imbéciles qui sont si nombreux, si intrigants et qui ne comprennent jamais rien aux subtilités. Je vais passer aux actes. Et vous priez de sortir. Sortir? Vous vous croyez donc chez vous, ma petite? C'est aussi un défaut des pauvres. À force de n'être chez eux nulle part, ils ont fini par prendre le mauvais genre de s'y croire partout. Allez, allez, ma belle! Allez pleurer sur vos millions plus loin! Je suis bien bête et j'ai bien honte d'avoir perdu une seconde à essayer de vous comprendre. Où est le monde si on se mettait tous à faire ça? Chacun chez soi! Je vais passer aux arguments des pauvres maintenant. Si vous ne sortez pas, je vais vous battre. Me battre? Je voudrais bien voir ça! Vous allez le voir! Je ne vous déchirerai pas votre robe, puisque vous m'avez dit que vous en avez 12 et que ça ne vous ferait probablement rien. Je vous déchirerai votre figure, car le bon Dieu qui pour une fois était juste n'en a distribué qu'une à chacun. Comme vous êtes vulgaire, si vous croyez que vous me faites peur. Pas encore, mais ça va peut-être venir. Oh! Oh, petite peste, mon petit voyou! Mais elle me dit quoi? Il faut que j'en parle, je vois ça, elle est au courant. Mais j'ai des points comme vous, j'ai des griffes. Servez-vous-en! Oh! Le courage! Voilà, vous. Vous êtes contents. Elles ont bien réussi vos intrigues. Vous êtes bien amusés ce soir. C'est fait votre scandale. Vous êtes montés sur votre chaise, vous leur avez dit qui j'étais. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous avertis que c'est plus la peine. Je leur montrerai moi toute seule qui je suis. Un voyou, comme mademoiselle vient de dire. Ah, vous allez voir votre respectable jeu de massacre. Vous allez les voir, vos douairières. Je vais leur enlever leurs doutes. Elles vont le comprendre tout de suite d'où le sort. C'est comme ça qu'ils sont, les pauvres. Tous ignobles. Pas fréquentable. Ah, oh, vous avez voulu jouer avec eux ce soir pour vous désennuyer. Vous allez voir que vous avez eu tort, mon beau jeune homme. Ils ne savent pas jouer, les petits pauvres. Ils sont trop mal élevés. Moi, je n'ai pas joué une seule fois depuis que je suis ici. J'ai été malheureuse tout de suite, moi. Parce que vous ne l'avez pas compris. Ou pas voulu le comprendre, sans doute. Je vous aime. C'est parce que je vous aime que j'ai ébloui vos brochettes de vieille dame ce soir. C'est parce que je vous aime que je fais semblant d'être amoureuse de votre frère et que j'allais me jeter à l'eau pour en finir tout à l'heure comme une idiote! Si je ne vous avais pas aimé, vous croyez que j'aurais accepté votre comédie? Vous ne dites rien. C'est ennuyeux, n'est-ce pas, cette petite pauvre qui vous crie qu'elle vous aime au beau milieu de votre salon? Ce n'est plus du jeu! Mais dites quelque chose! Vous êtes devenue muette, vous qui parliez tant! Mais mademoiselle, ce n'est pas moi. Comment ce n'est pas vous? Mais bien sûr, regardez-le donc, il est tout rouge! C'est son frère! Oh, pardon, monsieur. C'est moi qui m'excuse, mademoiselle. Je suis impardonnable, j'aurais... Venez, Frédéric, vous n'avez plus rien à dire à cette fille. Horace en verra tout à l'heure Josué et lui régler ce qu'il lui doit. Diana, comment pouvez-vous parler ainsi? Venez tout de suite, Frédéric, ou je ne vous reverrai pas de ma vie! Mademoiselle, j'étais venue vous dire que j'étais confus de tout ce qu'on vous avait fait ce soir. Que je trouvais tout cela très cruel et très laid. Je vous demande pardon pour eux. Allez donc vite. Si vous ne la rattrapez pas tout de suite, elle va encore vous faire beaucoup d'ennuis. Excusez-moi. Faut-il dire à mon frère que vous m'aviez dit que vous l'aimiez? Non, ce n'est pas la peine. Ma petite, tout s'écroule. Ah, te voilà, toi. Ce jeune homme est devenu fou. Il est monté sur une chaise, il est en train de raconter des horreurs. Je ne parviens pas à comprendre ce qui a pu pousser à ce geste incompréhensible. C'est une terrible malchance. S'il m'avait laissé une heure de plus, il était en train de me faire habiter pour l'automne par un général tout ce qu'il y a de bien. Maintenant, tous ces gens vont nous tourner le dos. Nous allons partir. Partir et tes plumes. Tu as des leçons après-demain à Paris. Oh, toi, bien sûr, toujours terre à terre, le beau rêve brisé, tu repars. Tu es une insensible. Il ne t'aimait donc pas? C'est moi qui avais cru. Pourquoi? Pourquoi t'aurait-il fait venir ici ce soir s'il n'avait pas été amoureux de toi? Pour s'amuser. Non, non, non. Tu ne montreras pas l'idée qu'il y avait autre chose et que c'est toi qui n'as pas su manœuvrer. Tu veux que je parle franchement? Tu es trop fière, ma petite. Jolie comme tu as ta chance. Il ne faut pas la faire attendre trop. Les hommes vous supplient, je crois, la plus forte, et c'est vrai, pendant tout le temps qu'ils vous désirent, on peut tout. Leur argent, leur honneur, leur famille, tout leur paraît vain. Mais si on laisse passer le bon moment, si on les laisse penser une seule fois pendant une toute petite minute, qu'après tout, ils pourraient vivre sans vous, c'est fini, ma belle. Ils se retrouvent tout d'un coup avec leurs millions, leur bonne vie tranquille, et toutes les autres jolies filles du monde pour beaucoup moins cher à leur disposition. Et il y en a, tu sais, autant que des fourmis dans tous les recoins des villes, ouvrant des yeux comme des soucoupes devant les jolis magasins, reniflant les bons parfums au passage sur les vraies femmes riches, et prêtes à se coucher tout de suite. Tiens, monsieur Fortuné veut bien leur enlever enfin leur horrible poids de leur envie. Et si tu leur vois l'air traqué comme ça, c'est qu'il faut faire vite, ma petite. Ça vieillit, tu sais, d'être une jolie fille sans un sou. Tu en as assez dit maintenant. Partir tes plumes. Écoute-moi. J'ai eu une longue conversation avec Romainville tout à l'heure. Tous ces événements l'ont enfin bousculé, il se déclare. Oui, je sais ce que tu vas me dire, tu vaux mieux que cela. Mais il ne faut pas attendre éternellement le miracle. Tu as pu voir ce soir comme les jeunes gens de famille se conduisent. Lui, c'est un homme d'un certain âge, on dirait parfaitement élevé. Il t'a étudié assez longtemps, il me l'a dit lui-même. Il sait tout ce qu'on peut attendre de toi, il ne s'avance pas à la légère. Voilà, il nous assure très largement notre vie à toutes les deux. En outre, il ne me l'a pas formellement dit, mais j'ai compris entre les mots. Il n'est pas absolument interdit d'espérer, quand il aura suffisamment travaillé dans ce sens, sa famille, qu'il te promette le mariage. C'est inespéré, ma petite, j'espère que tu en conviendras. Monte maintenant! C'est bien. C'est bien. Fais la mauvaise tête, oublie tout ce que j'ai fait pour toi. Laisse passer la chance, petite dinde. Laisse faner ton charme sans t'en servir. En l'éditoire, enferme-toi à force de ne pas sourire. Parce que j'ai très joli le mépris et ça fronce le nez. Parfait l'orgueil, mais ça donne des rides. Mais quand on a que ça dans la vie pour s'en tirer, il faut qu'on le ménage, son museau, ma biche. Laisse-moi te l'apprendre, si tu ne le savais pas. Mademoiselle. Je suis ravie de vous voir. Comment allez-vous? Bien, madame. Quand est-ce fut née là? On nous a présenté tout à l'heure, mais dans un tel brouhaha. Madame, j'aurais souhaité vous demander la permission d'un entretien particulier avec mademoiselle, votre fille. Je vous l'accorde, cher monsieur. Vous pensez bien, je vous l'accorde tout de suite et du plus grand cœur. Je te laisse avec monsieur Messerschmann, Isabelle. Je monte me reposer un peu. Ces raouts, cher monsieur, sont vraiment embrassants. On en arrive à souhaiter un peu de solitude. Nous sortons trop. Tous, tant que nous sommes, nous sortons trop. Je vous laisse. Je te laisse avec, n'oublie pas, notre bon ami Romainville, ma chérie. Tu sais que nous devons répondre dès ce soir à son aimable invitation pour cet été. Cher monsieur, enchanté de vous avoir revu. Voilà, mademoiselle. Je vais être un peu brutal. Je sais qui vous êtes. Et dans une demi-heure, tout le monde le saura. C'est fini ici pour vous. Vous avez eu beaucoup de succès ce soir, tout le monde vous a trouvé charmante, mais c'est une petite aventure qui ne pouvait pas durer, vous vous en doutez bien. Je viens vous demander de l'abréger encore. Remontez dans votre chambre et disparaissez sans revoir personne. Vous avez été très brillante, une petite étoile filante. Éteignez-vous. Un peu plus tôt, un peu plus tard pour vous, c'est la même chose. Et je vous en saurai gré. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Que je parte ou que je reste? C'est un petit cadeau que j'aimerais faire à ma fille. Vous voyez que je suis franc, mademoiselle. Je n'ai jamais trompé personne en affaires et ça m'a toujours réussi. Combien voulez-vous? Oh, rien, monsieur. J'allais partir. Je le sais, mais il ne me paraît pas juste qu'on vous laisse partir sans rien. Que vous a promis Horace? Mon cachet de danseuse et cette robe. qu'on vient de me déchirer. Qui vous l'a déchiré? Votre fille. Ça me regarde donc. En plus de ce que vous allez décider de me demander, je vous en rachèterai deux autres. Je vous remercie, monsieur. J'aime mieux celle-là avec la croix. Non, comprenons-nous bien. Je ne voudrais pas que vous revoyiez Horace, même pour vos comptes. Combien voulez-vous pour partir sans le revoir? Rien, monsieur. Je ne comptais pas le revoir. Mais le cachet qu'on vous a promis? Je ne comptais pas le prendre. Je considère que j'ai dansé ici ce soir pour mon plaisir. Je n'aime pas quand les choses sont gratuites, mademoiselle. Ça vous inquiète? Ça me paraît hors de prix. Pourquoi voulez-vous refuser l'argent d'Horace? Parce que ça ne me plaît pas de le prendre, voilà tout. Et le mien? Parce que vous n'avez aucune raison de m'en donner. Je vous ai déjà dit que j'allais partir. On m'a demandé, c'est vrai, de jouer ici ce soir une petite comédie. Mon rôle est fini, le rideau tombe et je m'en vais. Je n'aime pas que vous partiez sans rien. Pourquoi? Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je regrette, mais c'est tout de même ce que je vais faire. Excusez-moi, monsieur. Ah non! Ne faites pas comme Osovitch. Osovitch? Oui. Oui, c'était un banquier d'un groupe adverse avec qui j'avais à discuter certaines affaires importantes. C'était un homme qui sortait tout le temps. Dès que nous n'étions plus d'accord, et ça nous arrivait souvent, il sortait. Il fallait constamment le rattraper dans l'antichambre ou dans l'ascenseur. Et plus on le rattrapait loin, plus ça vous coûtait de l'argent. Finalement, j'ai dû l'inviter en pleine mer, sous un prétexte, sur une périssoire, dans la baie de Dinard, après m'être assuré qu'il ne savait pas nager. Et là, je lui ai offert un forfait énorme pour en finir. Depuis, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Mais il a appris à nager. Ne faites jamais semblant de sortir, mon enfant, c'est un mauvais moyen. On n'est jamais d'accord dans une discussion d'intérêt, mais on reste assis sur ça. Il n'y aura plus d'affaires possibles. Alors, ma petite demoiselle, soyez raisonnable. Vous aussi considérez que plus le temps passe, plus il y a de chance pour que tout le monde sache tout, et moins cher vaut votre silence. Faites-moi un bon prix tant qu'il est encore temps. Oh, j'ai des principes, bien sûr. Et je discute toujours la plus petite chose comme s'il s'agissait de tout mon argent. Mais j'en suis arrivé à un point où on peut se permettre d'être sentimental de temps en temps. Vous m'êtes très sympathique. Et je suis disposé à être très généreux avec vous. Combien voulez-vous? Rien, monsieur. C'est trop cher. Tenez. Je vais faire une folie. Je vais vous offrir le double. J'ai des billets sur moi. J'ai toujours beaucoup de billets sur moi. Et si ce n'était pas si lourd, j'aurais de l'or. Bon. Regardez cette liasse-là, bien vierge, bien nette. Une belle petite brique. Et ça s'effeuille. Et ça devient des robes, des bijoux, un beau sac, ce qu'on veut. Avouez que ce serait amusant d'avoir tous ces beaux petits papiers-là sur vous. Vous voudriez-vous que je les mette? Voulez-vous que je vous les enveloppe? J'ouvrirai un petit paquet bien propre avec une petite ficelle. Écoutez, monsieur, je ne veux pas sortir encore comme monsieur Osovitch pour ne pas vous rappeler un trop mauvais souvenir. Mais je vous demande de me croire, je ne veux pas de votre argent. Vous êtes très forte, mademoiselle. Non. Je suis très malheureuse. Et j'ai très honte. J'en ai tant entendu ce soir à cause de l'argent que ça vous-même me fait horreur. Voilà tout. Oh, c'est du sentiment. Mais je vous ai déjà dit que j'étais tellement riche que je pouvais me permettre maintenant de comprendre aussi les sentiments. Bon, laissons là ces vilains billets puisque leur vue vous offusque. Vous avez raison. C'est trop précis, les espèces. C'est moi qui ai été un maladroit. Je vais vous faire un chèque, voulez-vous? Avec beaucoup de zéros. Je vais mettre un 1 là, à gauche, sur le petit espace réservé. Et puis, je vais écrire des zéros jusqu'à ce que vous me disiez assez. Nous commençons. Est-ce qu'on peut vraiment réussir, comme vous l'avez fait, dans les grandes affaires qui mènent le monde, sans être très intelligent? Je suis intelligent, mademoiselle. Je suis très intelligent. Et c'est parce que je suis très intelligent et que j'ai une très grande expérience de la vie que je vous dis que je ne vous crois pas. Alors, si vous êtes intelligent, raisonnons. La demi-heure de silence que vous vouliez m'acheter est déjà presque passée à notre bavardage. Votre fille sait qui je suis. Elle sait que tout le monde le sait. Elle n'a plus lieu d'être jalouse. Horace ne se soucie guère de moi, je vous l'assure. Et mon intention était précisément de ne pas le revoir. Si vous ne m'aviez pas retenu, je serais même déjà partie. Vous voyez bien que je n'ai plus rien à vendre. Mais on a toujours quelque chose à vendre, mademoiselle. Et puis même si c'est vrai que vous n'avez plus rien, il faut que je vous achète tout de même quelque chose, maintenant que nous avons commencé à discuter. Pourquoi ? Parce que je ne croirais plus en moi si je ne le faisais pas. S'il vous en faut si peu pour ne plus croire en vous, je vais écrire à Monsieur Osovitch. Oh, Osovitch était un enfant. Avec les adversaires de taille, je joue toujours carte sur table. Vous voyez, je suis franc, mademoiselle. Maintenant, c'est que je vous achète. Ce n'est plus le caprice de ma fille. Vous avez raison, elle est rassurée. C'est ma propre tranquillité d'esprit. Et elle n'a pas de prix pour moi. Combien voulez-vous ? C'est en répétant la même chose, comme ça tout le temps, qu'on devient les maîtres du monde. Non, maintenant, c'est vous qui ne comprenez plus. Il ne s'agit pas de vous humilier et de vous proposer une petite somme pour vous faire décamper d'ici. Tout ce qui vous a permis de me résister jusqu'ici, votre orgueil, votre blessure, je vous les laisse intactes. Je vais même vous dire mieux, mademoiselle, je les comprends, je les respecte. C'est ignoble, en effet, ce qu'il vous a fait, le petit Horace, c'est ignoble. Ce que je vous proposais il y a un instant pour payer une lubie de ma fille. Mais il ne s'agit pas de ça. Restez au château si vous le voulez pour ennuyer ce garçon. Continuez à agacer ma fille. Et là, si le succès toujours, elle s'en remettra. Et d'ailleurs, ça lui fera du bien. Mais acceptez de l'argent de moi. Je ne vous demande rien en échange. Non. Tout à l'heure, vous aviez raison. Maintenant, vous avez tort. Votre position n'est plus défendable. Même quand on sent la faiblesse momentanée de l'adversaire, il ne faut jamais s'entêter sur une position qui n'est pas raisonnable. Je ne veux pas être raisonnable. Je veux faire une fois enfin ce qui me plaît. Écoutez-moi bien. Nous allons mener le grand jeu. Je vous dote. Dans 5 minutes, vous pouvez rentrer dans ce salon la tête haute. Tous les mensonges d'Horace deviennent vrais. Vous êtes aussi riche que toutes les filles de ce bal. Romainville, si je veux, vous adopte et vous devenez vraiment sa nièce. Quel honneur ! Il vous a humilié, lui aussi. Je le force à vous demander pardon. Je l'oblige en plein salon à embrasser le bas de votre robe. Il trouvera le moyen d'en rire et de le faire si je le veux. Écoutez-moi, je peux plus que dans les contes de fées. Je vous fais si riche que je force le plus beau garçon de cette société, le plus noble, à vous demander tout de suite votre main. Je vous remercie. Tout ça ne me ferait pas autant plaisir que de vous dire non. Mais moi non plus, je ne crois pas à l'argent, mademoiselle. Tout ce qu'il m'a donné est poussière, fumée, nausée, vomissement. J'ai mal au foie tout de même et je ne peux jamais rien. Je mange des nouilles, je bois de l'eau. Et je n'ai aucun plaisir à posséder chaque soir cette femme fermée. Je ne souffre même pas qu'elle me trompe, ce qui serait au moins tenir quelque chose. Parce que je ne la désire pas, pas plus que le ventre de sa mère, et je n'en désire aucune autre. Je ne désire rien. Je ne suis qu'un pauvre petit tailleur de Cracovie. Et la seule vraie joie que je me rappelle, c'est le premier costume que j'ai réussi, à 16 ans. C'était la veste d'un pop. Elle tombait bien. Mon père m'a dit, Romuald, cette fois c'est bien. Tu sais ton métier. Et j'ai été heureux. Depuis, je n'ai plus rien réussi, jamais, qu'à avoir de l'argent, de plus en plus d'argent. Et l'argent ne m'a jamais donné l'amour de personne, même pas celui de ma fille. Même pas l'amour de l'argent lui-même. Ayez pitié de moi. Ne m'abandonnez pas ce soir. Acceptez mon argent. Non ! Non ! Eh bien, regardez ce que j'en fais, des belles petites briques qui peuvent tout, puisqu'elles ne peuvent plus me servir à rien. Je les monde, je les déchire avec les dents, je les crasse. C'est une idée, donnez-moi quelques-uns, je vais vous aider, ça me fera du bien. Là, là, là, là, ça c'est une maison de campagne, le rêve de tous les petits rentiers. Avec le jardin, le bassin, les poissons rouges, les roses. Oh, ça c'est un commerce, de quoi être tranquille toute une vie. Un commerce de modiste, celui que je comptais vous offrir, comme un imbécile. Ah bon, ça c'est un chapeau. Pourquoi seulement un chapeau? Il était très cher. Voilà des robes, encore des robes, toutes les étoffes dont elles ont besoin, toutes sur leur dos. Voilà des manteaux, voilà des fourrures. Maman, ça a été. Voilà du beau linge, le vrai luxe, celui qu'on a en dernier. Voilà une valise. Pourquoi une valise? Pour tout mettre. Voilà les bijoux, les colliers, les bagues, toutes les oh, bagues. Oh, la belle-père. Vous la regretterez. Je m'en pas. Voilà les voyages, toutes les joies du jeu. Voilà les esclaves, les nobles bêtes d'Arras, toutes les belles filles soumises. Voilà les consciences des honnêtes gens. Voilà le petit bonheur de tout ce petit monde lamentable. Là, là, là et là. êtes contente maintenant? Non. Et vous? Moi non plus. Voilà pour les pauvres. Nous les avions oubliés. Je suis sûre qu'ils ne vous avaient pas donné autant de mal à gagner. Je suis très malheureux, mademoiselle. Moi aussi. Je comprends très bien ce que vous souffrez. Je suis sans doute le seul ce soir dans ce château à pouvoir le comprendre. Ils m'ont humilié longtemps, moi aussi. Et puis je suis devenu plus fort qu'eux, alors je me suis mis à humilier à mon tour. On est tout seul, voilà ce qui est sûr. On ne peut rien les uns pour les autres que jouer le jeu. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur, c'est monsieur Horace qui fait dire à mademoiselle qu'il l'attend dans le petit boudoir pour régler ses comptes avec elle. Vous lui direz qu'il ne me doit plus rien. Monsieur Messerschmann m'a payé. Mon ami. Vous avez l'air d'avoir une bonne tête. Je fais partie d'une génération de vieux serviteurs qui ne se le permettaient pas dans le service, monsieur. Mais le dimanche et plus généralement les jours de congé, mes amis et mes connaissances sont accoutumés de me dire, en effet, que j'avais un visage franc, ouvert, plutôt jovial même, une belle physionomie, bien française, bien de chez nous, monsieur. Alors écoutez-moi, vous avez dû faire de l'histoire sainte quand vous étiez petit. Un peu, monsieur, comme tout le monde. Avez-vous entendu parler de Samson? Un israélite, monsieur. Oui, peut-être. Tout le monde était juif en ce temps-là. Je crois me souvenir qu'on lui avait coupé les cheveux. Oui, et il était très malheureux. Bafoué, mon ami, toujours bafoué par tout le monde. Et on lui avait crevé les yeux. On le croyait aveugle, mais je suis persuadé qu'il y voyait. Oh, c'est bien possible, monsieur. Moi, j'ai eu une tante qui avait la cataracte. Et un bonjour. Un bonjour, n'y tenant plus. Il se fit placer entre les colonnes du temple. Il était très fort, terriblement fort, vous m'entendez? Et il les embrassa, ces colonnes, comme ça. Oh, monsieur, faites bien faire attention, on pourrait nous voir. Et il les secoua de toutes ses forces. Monsieur Trandard, c'est moi qui me ferai gronder. Voilà. Voilà, monsieur. Un bien vilain geste dans une église. Vous pouvez le dire. Car il était tellement fort que le temple entier s'écroula sur les 2000 philistins qui étaient là à prier leur faux dieu et à le prendre pour un imbécile. Et sur lui, monsieur? Et sur lui aussi, mais ça n'avait aucune espèce d'importance. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire d'être pauvre? Pauvre non, monsieur, mais écrasé. Aucune importance, vous dis-je. Bien, monsieur. Mon ami, avez-vous été cuisinier? C'est une filière qu'un maître d'hôtel a très rarement l'occasion de suivre, monsieur. Cependant, quand j'étais gamin, j'avouerai à monsieur que j'ai été effectivement garde sauce. J'étais un prince de l'église, où mon oncle était premier valet de pied. Eh bien, puisque vous avez été cuisinier, vous allez pouvoir me répondre. Existe-t-il plusieurs façons de préparer les nouilles à l'eau, sans beurre et sans sel? Non, monsieur, personnellement, je n'en connais qu'une. Vous pouvez disposer. Ah, un détail encore. Le téléphone fonctionne toute la nuit dans ce pays? Oui, monsieur. Nous sommes depuis peu directement reliés à Saint-Flour. Ça a été une grande victoire de madame, monsieur. L'administration était contre. Nous le devons à l'archevêque et au comité franc-maçon qui ayant agi de concert pour posséder l'administration. Je peux donc appeler l'étranger de ma chambre cette nuit? Certainement, monsieur. C'est tout ce que je voulais savoir. Comme Samson, les yeux fermés. Oui, monsieur. Et tout à coup, un fracas épouvantable. Un téléphone qui grelotte dans le petit matin. C'est bien ça. C'est le temple qui vient de s'écrouler. Vous me comprenez? Non, monsieur. Ça ne fait rien. Tenez-moi la 1000 francs. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Sans beurre. Et sans sel. Au lever du rideau du cinquième et dernier acte, Madame Demermorte et Horace sont en scène. Ça ne m'a pas fait tellement rire. Moi non plus. Pourquoi avais-tu imaginé tout cela? Je m'ennuyais. Et puis j'étais agacé par les façons de cette petite fille trop gâtée avec Frédéric. Il lui fallait une leçon. Elle l'a eue. Et la petite Isabelle aussi, malheureusement. Oui, je regrette pour elle, elle est charmante. C'était une invention de cette folle de Capula. Tu ne l'aimais pas du tout. Pas du tout. Nous aussi, nous l'avons eue, d'ailleurs. Quoi? Notre leçon. Nous nous retrouvons là, tous les deux, tout bêtes, sans être sûrs d'avoir très bien agi. Oh. Bien agi, mal agi. Vous en êtes encore là? Vous m'étonnez, ma tante. Je vous croyais beaucoup plus forte. Figure-toi que moi aussi, je me suis crue longtemps plus forte. Et j'en viens là. Excusez-moi de ne pas être très galant. La charité, c'est votre âge. Mais les vieilles dames de votre rang ont des pauvres comme elles ont des demoiselles de compagnie ou des petits chiens. Je haïrais d'avoir des pauvres. D'abord, je trouve ça extravagant de se conserver des misérables personnels comme des grenouilles d'expérience dans des bocaux. Si on s'intéresse à des pauvres avec la fortune que vous avez, on les rend riches et on n'en parle plus. Ah, on ne fait pas la bête. Tu sais bien que ce n'est pas de cette charité-là que je veux parler. J'ai eu des pauvres, bien entendu, toute ma vie. Comme j'ai eu des chevaux et des faces à main. On vit avec sa classe, qu'on le veuille ou non. Et pour le courant, on fait comme les autres, ou ça serait trop compliqué. Et vous regrettez de ne pas en avoir fait vivoter davantage sur vos vieux jours? Certes non. Je pense en avoir encouragé bien assez dans cette triste carrière. Et ils baisaient le bas de ma robe au lieu de m'étrangler quand j'arrivais dans leur taudis avec mon kilo de bœuf et des perles. Faut avouer qu'ils n'ont pas beaucoup de classe, eux non plus. Ils me disaient invariablement que le bon Dieu me rendrait tout. Assure-toi, si nous pouvons compter sur les religions à vie future, j'ai ma provision de pot-au-feu et Dieu les nages assurés pour mon éternité. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Qui? Diana. Va-t-elle épouser Frédéric tout de même ou disparaître à jamais avec ses petits caprices et ses millions? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? J'aimerais le savoir. Serais-tu content qu'elle épousât ton frère? Non, certes. J'ai assez fait ce soir pour que ce mariage n'ait pas lieu. Bon petit Frédéric. C'est vrai qu'il aurait été très malheureux avec cette jeune fille. Heureusement que tu veillais au grain. Tu es vraiment pour lui d'une sollicitude maternelle. Tu vois que tu as tes pauvres, toi aussi. Oh, ce n'est pas seulement pour Frédéric. J'ai horreur des choses ratées, c'est physique. Et cette union-là l'était assurément. Tu es un philanthrope, te dis-je. Non, j'ai un peu de bon sens, j'en use, voilà tout. Et j'essaie d'en faire profiter les autres par surcroît. Cette Diana ne manque d'ailleurs pas de qualité. Mais sa race lui a donné quelque chose de plus qu'aux filles riches de chez nous. Elle est dure, elle est fantasque, mais son égoïsme même est amusant. Je ne suis ni bon, ni tendre, ni fidèle, et je ne m'en vais pas bêler pour trouver les qualités que je n'ai pas chez les autres. J'aime assez les pouliches d'Ivoire, même lorsqu'elles me fichent par terre. J'ai tout simplement pensé, dès que je l'ai vu, qu'il lui fallait un autre cavalier que le pauvre petit Frédéric. Pourquoi l'a-t-elle choisi? Est-ce que je sais? Pour s'amuser à le dévorer, sans doute. Et si elle l'avait fait par dépit? C'est son affaire. Et si c'était aussi la tienne, Horace? Que voulez-vous dire? Que je ne suis plus qu'une vieille bête définitivement myope, mon tout bon, ou que tu es amoureux d'elle comme elle de toi, depuis le premier jour. C'est grotesque! Et même si c'était vrai, je préférais périr de jaunisse comme votre ami Palestrini dont vous parliez tout à l'heure que de lui faire le plaisir de lui avouer ça. On ne périt pas de jaunisse. J'ai dit ça à cette vieille toquée dans le feu de l'action, pour faire bien. Palestrini se porte comme toi et moi. J'ai seulement appris qu'il s'était jeté dans la lagune l'année dernière pour une jeune fille qu'il aimait. C'était une jeune Allemande, une championne de natation. Elle se l'est repêchée elle-même et ils ont déjà un enfant. Diable, la lagune! Vous ne voyez pas une forme blanche là-bas au bord du grand bassin? Mais je suis bien comme une sauterelle, mon petit, mais court tout de même, tu me fais peur! Ah, madame! Quoi? On cherche Isabelle partout. Sa mère est folle, on craint pour elle. Pourquoi? Elle a laissé sa petite bague, sa seule chose de valeur, pliée dans un papier avec un peu d'argent sur la commode de sa chambre. Ah, madame, nous sommes tous coupables. Monsieur Horace ne l'aimait pas. Oh, Capula, vous pleurerez tout à l'heure. Regardez du côté du grand bassin, je n'y vois rien. Apercevez-vous une forme blanche? Si elle, c'est elle! Ah, malheureuse jeune fille! Elle suit le bord comme Ophélie. Elle se penche. Elle saute. Au secours. Elle va mourir. Non. Horace est là-bas et il n'y a pas assez d'eau. Mais elle pourrait bien prendre froid et lui aussi. Courez leur chercher des couvertures. Monsieur Horace l'a vu. Il plonge. Noble jeune homme. Il la ramène. Tirez des sombres bords comme Eurydice même. Elle lui devait l'ombre. Elle lui doit le jour. Ah, si de tout cela pouvait naître l'amour. Vous parlerez en vers tout à l'heure, vieille folle. Allez 25 grammes ce soir, mon pauvre, une noyade. Faites faire du punch très fort à la cuisine et auparavant, roulez-moi vers le grand bassin. Les voilà revenus de leur sombre baptême. Le flot noir de la va les rendre à l'amour. Enfant, tu te taisais et peut-être qu'il t'aime. Capula, Capula, ne rimez pas toujours. Mais là, je ne peux plus, je ne peux plus, madame. Tous ces événements ont bouleversé mon âme et c'est plus fort que moi. Elle s'exprime en vers. Alors, sortez les vers hors du jardin d'hiver. Et vous, vite, ce que je vous ai demandé. Avez-vous froid, mon enfant? Non, madame, merci. Je suis bien. Josué va vous apporter du punch. As-tu froid, toi? J'étouffe sous ce couvre-pied. Alors, profitons de ce que nous sommes seuls pour une minute. Nous avons des choses importantes à nous dire tous les trois. Asseyez-vous. Nous avons l'air d'une conférence de chef Peau-Rouge. Je vais vous proposer le calumet de la paix. Tiens, c'est une idée. Vous n'avez pas une cigarette sèche? Tu fumeras tout à l'heure. Tais-toi. Tu as assez dit de bêtises ce soir. Regardez-moi, mon enfant. Oh, cela a de bons yeux. Et c'est encore plus joli des peignés. Pourquoi vous peignez-vous d'habitude? Ça se fait. Et de se jeter à l'eau au premier chagrin d'amour, ça se fait aussi? Je parie que vous savez nager. Oui. Vous voyez comme vous êtes absurde. Et c'est moi qui lui avais demandé de se jeter dans le grand bassin par amour pour Frédéric. Bien entendu, je l'avais décommandé tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Pourquoi vouliez-vous vous noyer? Pour mon compte. Ça n'était pas dans nos conventions, mademoiselle. Vous deviez faire ce que je vous disais. Ma journée était finie. Vous m'aviez envoyé votre domestique pour me régler mon salaire. En dehors de mes heures de travail, je suis bien libre de me tuer pour moi, peut-être. Elle a raison. D'autant plus que c'est bientôt le matin. Nous sommes dimanche. Si l'ouvrier ne peut plus se tuer pour lui le dimanche, il faut faire la révolution tout de suite. Regardez-moi encore, mon petit. Elle a des yeux ravissants. Une biche aux abois. Un greuze. Tu sais que tu es un imbécile, Horace? Oui, ma tante. Il ne vous aime pas, mon enfant. Il ne vous aimera jamais. Il n'aimera jamais personne, d'ailleurs, si cela peut vous consoler. Amoureux, peut-être, oui. Comme un chat d'une souris, de temps en temps. Mais vous n'êtes même pas son type de souris. Il vous croquerait trop vite, cela ne l'amuserait pas. Et je vais vous dire une bonne chose, il n'est pas votre genre de chat non plus. Vous croyez l'aimer, vous ne l'aimez pas. Regardez-le. Non. Mais faites-moi confiance. Regardez-le, ce Peau-Rouge. Un Peau-Rouge vexé d'abord, n'est-ce pas risible? Ah, vous pouvez le regarder, allez. Vous ne risquez plus rien. Pas avec ce regard perdu là, il n'en vaut pas la peine, l'animal. Soyez très impartial. Vous le trouvez si beau? C'est un assez joli portrait de jeune homme, certes, quand il ne pense à rien. Mais que la moindre de ses vilaines petites pensées se coule dedans. Tenez, en ce moment, nous l'agaçons. Il a envie de nous étrangler. Et voilà qu'il devient laid. En voilà assez, maintenant. Si vous voulez jouer au portrait, je vais vous envoyer Frédéric. C'est une très bonne idée. Avec eux, ce qui est commode, c'est qu'on a toujours l'autre sous la main. Pas Horace que vous aimez, mademoiselle. C'est son image. Et si vous êtes malheureuse ce soir, si vous avez voulu vous jeter tout habillé dans mes pièces d'eau, c'est parce que vous avez confusément senti qu'il n'y avait rien pour vous derrière cette image-là. C'est terrible. Mais ce serait terrible, mon enfant, si l'exemplaire était unique. Et heureusement, nous en avons deux. Approche, mon garçon, et assieds-toi à la place de ton frère. Vous pouvez le regarder, Isabelle. C'est le même. Voilà une jeune fille qui vient de se jeter dans le grand bassin et on ne peut pas lui faire dire pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Mademoiselle, je ne peux rien sans doute pour votre peine. J'ai été lâche une dernière fois tout à l'heure, j'ai suivi Diana comme elle me l'ordonnait. Mais dès que je l'ai eue rejointe, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que son attitude envers vous me faisait horreur. C'est fait maintenant. Nos fiançailles sont rompues. Il ne fallait pas. Croyez que ça m'enlèvera ma peine, que nous soyons tous malheureux en même temps? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas aimer un être capable de quelque chose de laid. Elle non plus, figure-toi. Elle vient de s'apercevoir qu'elle ne pouvait pas aimer Horace. Ma vie est finie maintenant. J'ai vu le fond du cœur des jeunes filles. Cette boue, ces rochers, ces fleurs mortes, comme dit votre frère. Triste plongée. Retire ton scaphandre maintenant. Viens respirer un peu d'air frais sur cette terre. Il y en a encore, tu sais, par endroits. Je vais me retirer dans un désert pour y rêver à ce que je croyais être l'amour. Mademoiselle aussi. Tâchez que vos déserts ne soient pas trop éloignés l'un de l'autre. Vous vous ferez des petites visites entre ermites. Parce que j'aurais pu lui pardonner d'être méchante. Je l'avais compris au premier moment qu'il l'était. Je lui avais bien pardonné, moi. J'aurais pu lui pardonner d'être dure, égoïste, violente. Moi aussi. La seule chose que vous ne pouviez pas leur pardonner, en somme, c'était de ne pas vous aimer. On n'aime que son amour, mes enfants. Et on court toute sa vie après cette fuyante petite image de soi. La folie, c'est de vouloir absolument que le costume aille à tout le monde. Nous sommes des tailleurs insupportables. Le vêtement est tout coupé. Nous ne voulons pas y faire de retouches. Alors, nous essayons de tailler dans le client. S'il ne se laisse pas faire, nous crions au secours. Et personne ne vient. Parce que non content d'être aveugle, nous sommes sourds. Vous n'avez rien entendu, mademoiselle. Ce jeune homme a crié au secours. Que puis-je pour lui? Faire un petit tour de parc avec lui, en lui disant pourquoi vous êtes si malheureuse. Il vous dira de son côté pourquoi il va peut-être mourir. Allez, mes enfants, soyez bien tristes, donnez-vous le bras. Vous êtes vraiment seul au monde. Il n'y a pas plus désespéré que vous. J'ai été un fou, mademoiselle. J'ai cru qu'il pouvait exister une femme tendre et sincère. Il n'y en a pas, monsieur. J'ai cru qu'on pouvait être grave et bon, qu'on pouvait être fidèle. Fidèle. On est fidèle à soi-même et c'est tout. On danse le pas de l'amour obstinément devant sa glace. Moi, j'aurais voulu tout donner, mademoiselle. Tout donner? C'est facile à dire, monsieur. Bon, pour ces deux-là, c'est fait dans 5 minutes. Aux autres. Horace! Attends! L'affaire est dans le sac. Que décides-tu de ton côté? Que voulez-vous que je décide? Je ne peux pourtant pas aller trouver cette jeune fille sur son monceau d'or. Tout le monde croira que c'est du perdre, je suis amoureux. Allons, voilà du nouveau. Nous n'en finirons jamais. Il le faudrait pourtant. Cette petite comédie commence à se faire longue. Que voulez-vous que j'y fasse? Je ne peux pourtant pas me couvrir de ridicule pour la faire finir plus tôt. Ah! Monsieur, je vous cherchais! Je veux cet énergumène. Puisque vous n'acceptez pas le plan, j'ai de renoncer à cette jeune fille. Mais non, monsieur, vous n'y êtes plus du tout. Savez-vous que je vais finir par vous battre tout de bon si vous continuez à être insupportable? Oh, moi aussi, je sais sauter sur les gens. Mais enfin, monsieur, sacrebleu! Comment, sacrebleu, des inscrits? Attention, la volaille, ils ont l'air très amis. Nous plaisantions, ma chère, nous adorons plaisanter. Un peu d'exercice à l'ombre, c'est excellent. C'est pas le moment de plaisanter, Patrice. Vous savez ce qui se passe? Romuald a donné des ordres insensés. Il va à Londres, il va à New York, il va à Vienne. Dans quelques heures, il vendra à Paris. Mais il se ruine. Ça m'étonnerait bien de lui. Je vais téléphoner à son agent de change. Vous avez appris la nouvelle? Dans 6 heures, mon père sera ruiné. Non. Si? Qu'est-ce que vous allez faire? Être pauvre? Que voulez-vous que je fasse d'autre maintenant? Je suis venue vous le dire tout de suite parce que j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de me voir enfin humilié. Ça me ferait beaucoup de plaisir, en effet. Mais malheureusement, ça ne sera pas. Frédéric est riche, il vous épouse. Horace, que fais-tu? Je vais chercher mon frère. Il ne peut plus être question pour lui de rompre ses fiançailles. Maintenant que Diana est ruinée, l'honneur lui commande d'en faire sa part. Mais je ne veux pas de lui! Tant pis. Allons, bon, il va tout embrouiller encore. Ah, madame, une nouvelle! Une grande nouvelle! Elle est casée! Ma chère amie, veuillez d'abord excuser ce costume, mais voyant poindre le matin, j'ai quitté mon habit et j'ai passé cette jaquette qui m'a paru plus indiquée pour venir vous annoncer cette grande nouvelle. Ma nièce n'était pas ma nièce, comme votre gredin de neveu m'avait obligé à vous le faire croire. Mais elle fait tout de même partie de la famille, parce que tout bien pesé, je l'épouse. Mon tout bon, je serai la première à vous féliciter, mais j'ai l'impression que vous arrivez trop tard. Comment trop tard? Il est 5 heures du matin. Eh bien, mes enfants, quelle nouvelle? Avez-vous retaillé le costume? Il allait, madame, il allait. Ma tante, comme j'ai pu être fou. Pardon, Diana, mais moi non plus, je ne vous aimais pas. Comme j'ai pu être sotte, madame. C'était lui, bien sûr, que j'aimais. Romainville, vous trouverez une autre nièce. Pour celle-là, vous serez son témoin. C'est effrayant, je m'étais fait à cette idée. Josué, donnez-lui votre penche. Géraldine, c'est un beau rêve. Ah, Josiane, c'est un roman. Mais où est Horace? Qu'on aille le chercher tout de suite. Il a assez fait souffrir cette jeune personne pour ce soir. Mon enfant, soyez sans crainte, il vous aime. Il me l'a dit. Tenez, il est là-bas dans le parc. Il se sauve. Il se sort, Josué, rattrapez-le tout de suite et ramenez-le ici. C'est une tête de bois, mais il sait que la pièce est finie et il va bien être obligé de revenir. Et si c'était vrai qu'il ne m'aimait pas? C'est impossible, tout doit finir bien, c'est convenu. D'ailleurs, le voici qui arrive. Eh bien, Horace! J'étais sûr qu'il ne viendrait pas. Monsieur Horace m'a remis ce billet pour vous, madame. Lisez-le-nous à haute voix, mon ami. Ma tante, pour des raisons que vous comprendrez tous, je ne peux pas me joindre à vous au milieu de l'allégresse générale. Je ne l'ai jamais tant regretté. Mais j'aime Diana puisqu'elle est pauvre, rien ne nous sépare plus, je l'épouse. Qu'elle vienne me retrouver au fond du parc. Courez vite! Merci, madame! Mais qui vient là? C'est moi, madame. Je viens vous faire mes adieux. Mais cette valise, ce costume... Je les ai empruntés à votre maître d'hôtel. Je n'avais plus rien à me mettre. Je suis complètement ruiné. Je retourne à Cracovie à pied et ouvrir un petit camos de tailleur. Ah, oh, mon amour! Comme c'est beau, comme c'est grand, comme tu m'aimes! Oh, car c'est pour moi, n'est-ce pas? C'est pour moi que tu t'es ruiné. Je te suivrai. Je te suivrai pieds nus jusqu'au fond de ta Sibérie. On confond tout. Ah, je renonce au luxe. Je cuirai, cher, pour toi, dans ta petite isba. Je serai ta squombe. Veux-tu? Elle n'a aucune idée de la géographie, mais ne la détrompons pas, ce serait trop long. Regarde, c'est commencé. Le feu du ciel, déjà. Non, nous n'en méritons pas tant, ma chère. Relevez-vous. C'est mon feu d'artifice que tous ces événements ont mis un peu en retard. Allons-en contempler le spectacle pour ne pas vexer mon jardinier. Ça doit être très curieux en plein jour, un peu d'artifice. On ne doit rien y faire du tout. Quant à nous, nous partons, toutes les deux brisées. Nous renonçons au monde et chaussons nos sabots. Adieu les jours de luxe aux heures irisées. Nous rentrons à Maubeuge enseigner le piano. C'est un télégramme. Qui veut bien s'intéresser encore à moi au point de m'envoyer un télégramme? Une lettre aurait suffi. C'est fini. Comme c'est drôle. C'est fini, monsieur. Et si monsieur a encore besoin de quelque chose, je ne suis pas sans avoir quelques petites économies. Eh bien non, on ne se ruine pas comme ça. Ils ont cru à une manœuvre de bourse, ils ont tous acheté. Je suis deux fois plus riche. Oh. Mais je vous en prie, ne leur dites pas tout de suite. Je suis tout de même content pour monsieur. Ça m'aurait fait gros cœur de ne pas servir monsieur ce matin. Sans beurre. Oui, mon ami, mais ce matin, exceptionnellement, vous me mettrez un petit peu de sel. Oh, ça me fait même plaisir de voir que monsieur reprend goût à la vie. La radiodiffusion française vient de vous présenter le spectacle du théâtre de l'Atelier à Paris. Vous avez entendu par transmission différée l'invitation au château, 5 actes de Jean Anouilh, musique de scène de Francis Poulenc. Voici quelle en était la distribution. Michel François dans les deux personnages d'Horace et Frédéric. Henri Gauthier, Josué, le maître d'hôtel. Vanna Urbino, Diana Messerschmann. Robert Lombard, Patrice Bombel, Catherine Catt, Lady Dorothée India, Betty Dosmont, Madame Desmermortes, Liliane Godet, Mademoiselle Capula, Grégoire Asselin, Messerschmann, Jean Hébé, Romainville, Madeleine Lambert, La Mère, Brigitte Bardot, Isabelle, mise en scène d'André Barsac. Nous vous rappelons que André Rancin assurait la présentation de notre transmission.